Entendez-vous? Est-ce que ça marche là? Est-ce que ça marche? Voyons où sont les gens. Le temps qu'ils retrouvent le flux, qu'ils retrouvent le nouveau flux. Je vais me ramasser tout seul. Ah oui, bon, ça fonctionne. Bon, ça se peut qu'on ait perdu du monde, là, qui ne retrouveront pas le nouveau flux. Donc, Carole, bonjour Carole. Homme en noir, c'est la première fois que je vous vois. Nadine, Crystal, Todd, Annie, on t'entend. Bon, parfait. Donc, tu disais quoi concernant Mona? Je m'en souviens plus. Je l'ai écouté. Oui, je disais, je l'avais trouvé comique. J'avais trouvé ça drôle. Quand elle explique la façon dont elle compose, on peut dire créativement, oui, avec la situation, les questions des gens dans le domaine de la santé. Facal, ce matin, personne n'a l'obligation de se faire vacciner du moment qu'il en accepte les conséquences. Moi, c'est pas mal le passif-agressif, monsieur Facal, comme d'habitude, comme dans le temps qu'il était en politique active, là. J'expliquais à quelqu'un ce matin, je disais, j'ai bien de la difficulté avec ça, que des journalistes s'en aillent en politique et vice-versa. C'est pas normal que ces deux pouvoirs qui doivent être séparés là. C'est censé être un quatrième pouvoir. Les médias, ça couche dans le même lit pas mal. Donc, personne n'a l'obligation de se faire vacciner du moment qu'il accepte les conséquences, là. Ça, c'est de la coercition hypocrite puis de la pression. Moi, est-ce que je l'ai lu, Facal, ce matin? Je me souviens pas. Ouais, franchement, j'ai vu que Denise n'a pas écrit pendant une semaine, puis elle est revenue. J'ai trouvé vos avis pas mal contraires. Attendez. J'ai trouvé vos avis pas mal contraires concernant l'avenir proche. Ah. Ben, je ne sais pas à quoi vous faites référence. Je suis plus capable de leur discours. Moi, Joseph Facal, le lire, c'est moins pire que de l'entendre, là. Un petit peu moins gossant à l'écrit. Je l'aimais avant ce vieux tapon. Ah, ben oui, mais le problème, c'est qu'il va falloir se désillusionner. Ces gens-là, c'est toujours louche. Quelqu'un qui va en politique, puis c'est pour les mauvaises raisons souvent. Moi, en tout cas, je trouve ça toujours. Puis, qui revient après dans les médias, là, puis non. Ben, de la difficulté avec ça. J'ai perdu mon boulot, 29 ans d'ancienneté à Bureau Letter. Oh, ouais. En effet, ça va trop loin. Il y a sûrement moyen de revenir contre votre employeur si c'est pour des raisons qui ne sont pas justifiées, là. Bonjour, Steve. Benoît Letalec, rebonjour en live. Oui. J'ai fait référence au mouvement des convois et à la vax. Ah. C'est quoi vous disiez donc avant? J'ai trouvé vos avis pas mal contraires concernant l'avenir proche. Mes avis avec qui? Avec quoi? Avec mes avis contraires à qui? Aux avis de qui? Mes propres avis? Oh, ok, vous n'êtes pas d'accord. Ben moi, vous savez, l'affaire de convoi, c'est certain que je pense pas qu'il y ait juste du spontané là-dedans. Désolé, là. On sent qu'ils le sentent, qu'ils ont peur d'être tort, mais se sont trop investis dans le narratif sans perdre la face. S'ils changent d'idée, vieux égoïste, hypocondriaque et hypocrite, moi. Ben, c'est comme, vous voyez, quelqu'un comme M. Trudeau, là, il parle, là, il y aurait eu des actes de violence. Lesquels? Vous pouvez pas, à mes yeux, là, comme là, il y a eu, ils ont fini par bloquer les fonds. Pourquoi aller se financer pour il y aurait eu un moyen de sécuriser ça, là. C'est tout contrôlé, ces affaires-là. C'est comme quand il y a une pétition en ligne, là. Mais Trudeau, puis bon, il y aurait eu des actes de violence. Lesquels? Parce que si on n'apporte pas des. Si ils rapportent pas leurs propos par rapport à du factuel, c'est du diffamatoire, là. C'est de la diffamation, un peu. Il doit parler avec mon œil, toi. Ah oui! Moi, ouais, ben, c'est comme pour Trump, puis, mais ça veut pas dire que je me considère pas comme en désaccord avec Mona. C'est au niveau de ce qu'on pourrait appeler le côté spéculatif, qu'on n'est pas d'accord, donc on n'est pas contrarieux l'un de l'autre. On pourrait dire, vous pouvez vous faire vacciner et autant que vous en acceptiez les conséquences. Moi, ben oui. Trop être en arrière de ça, je pense pas. Il a appuyé, là, mais il donne son appui parce qu'il est bon pour récupérer, là, mais bon. Ben, on a dit que les convois, c'est le début de leur fin, on verra. Je pense que ça va se retourner contre la population encore. Puis que ça va justifier d'utiliser la force. Ils vont finir par débloquer ça par la force, là, d'après moi. Une personne proche de moi a fait une plainte à l'ordre des médecins contre le docteur Marquis. Il a été loin dans ses démarches et il a été débarqué des médias à cause de ça. Ah oui, ben félicitations. Ça, c'est des vents dominants à mon goût, si c'est pour tasser ce cabochon-là de l'écran. On dirait que le seul but, j'imagine, de leur propagande est d'entretenir les boomers et les hypocondriaques. Ils se foutent totalement d'avoir l'air malhonnête et fallacieux pour le reste. Ben, c'est ça de la malhonnêteté. Vous savez, la démocratie, pourquoi c'est un système au niveau d'une démocratie comme on a, le représentatif, pourquoi c'est de la merde, c'est que la majorité est manipulable. Donc, ils s'en foutent qu'une minorité le voie. Le voie, là. Vous savez, bonjour Marie. Pete. Vous appelez Pete, pour vrai? Est-ce que c'est pas d'origine anglaise, ça, Pitt? Écrit comme ça, là. En tout cas. Donc, oui, ils s'en foutent. C'est tant que la majorité embarque. Le problème, c'est quand on atteint une masse critique où la majorité embarque plus, là, on peut tomber comme dans une dictature où la majorité devient hypocrite et collabore quand même. Comme vous prenez, là, en Roumanie, les dernières années. Du temps de Ceausescu, la majorité savait que si la propagande, c'était de la propagande, puis qu'on mentait aux gens. Quand Ceausescu posait devant des étals pleins de légumes faits en cire, là, en disant que les récoltes étaient abondantes, les gens savaient que c'était des mensonges, la majorité. Mais la majorité, pour des raisons de mécanismes de survie, continuait à jouer le jeu. Donc, on n'est pas sorti, même quand la majorité sait que c'est de la foutaise puis que c'est de la merde, on n'est pas sorti du bois encore. Donc, moi, docteur Épagnol, il m'a oué les yeux, hein. Il me semble quand même moins sociopathe que Vatbonkœur qui nous dit avec le sourire que le masque est une nouvelle norme sociale. Ouais. Moi, bon, on sait que c'est pour des raisons justement de behaviorisme, de comportementalisme, le masque. C'est une sorte d'amulette psychologique, un signe de soumission. Je rapprochais ça de la natte mandchoue. Ça a la même fonction à mes yeux. Il y a des énergies très puissantes qui travaillent dans les planètes. La dignité a été trop touchée. Ça va se réajuster. Ouais, mais ça peut être long, là. En tout cas, en Europe, les restrictions tombent petit à petit. Ça me donne le sentiment qu'il nous prépare quelque chose. C'est qu'on va sortir d'une crise sanitaire pour entrer dans une autre forme de crise. J'aime beaucoup ton nom, Todd. Ah. Vous savez, c'est pas mon vrai nom. Julie Ducharme, la majorité souffre de dissonance cognitive. Ben, en fait, c'est que les gens qui orchestrent ça se servent des mécanismes naturels de défense psychologique des gens. Donc, la souffrance cognitive, la dissonance cognitive est là pour se protéger de la réalité. Puis, si on sait jouer avec ces mécaniques-là, ben, ça fonctionne. Todd Marsh, ah, c'était pas pour moi. Oui, Todd, c'est un nom c'est un nom biblique, ça. Mais, ben, oui, c'est joli. Mais votre nom de famille, ça a l'air germanique. Benoît, de source sûre, Bell Media n'était pas au courant des actions que Julie Snyder en posant les questions aux enfants. Apparemment qu'elle serait dans la grosse merde car Bell a acheté Novo. Ah oui, je ne savais pas que. Je pensais que c'était au frère Rémillard, Novo. Puis Bell a acheté. Apparemment qu'elle serait dans la grosse merde car Bell a acheté Novo. Ouais, mais c'est des compétitionneurs de. Ok, Bell Media n'était pas au courant des actions de. Ouais, je sais pas, là. Ça, je suis pas au courant, là, ben, franchement, là. Peut-être que je sais pas ce que je dis là, mais deux groupes qui nourrissent les mêmes forces dans différents corps, ça va amener à quoi? Ben, c'est un rapport de force, donc des conflits, donc il va y avoir de la tension structurelle. Si je parle. Je sais pas spécifiquement à quoi vous faites référence, là, mais c'est des lois d'énergie oubliées à des lois. Donc, les corps aussi, qui sont des densités, des terrains de circulation de. C'est quoi hier que j'ai entendu à la télévision? Il disait René Lévesque est ouvert à la circulation. Là, je me tourne vers une interlocutrice et je lui dis, ça doit aller vers se promène dedans. C'est pas gentil, là, mais en plus, savez-vous, ses parents avec moi, ça? René Lévesque, il venait du bas du fleuve, c'est le cousin de mon grand-père paternel. En tout cas, puis je suis pas un admirateur, au contraire. Est-ce que j'ai le droit d'avoir hâte que les vaccinés subissent plus d'effets? C'est pas une question de droit, là, c'est subjectif, là, le droit à ce niveau-là, mais je peux comprendre que, bon. L'affaire, c'est qu'il y en a en masse, puis ça change rien. J'en vois autour de moi des effets indésirables. Aujourd'hui, je suis allé à la gendarmerie. Aucun des gendarmes n'avait de masque. Ici aussi, dans les postes de police, à ce qu'on me rapporte, on ne porte pas de masque à l'intérieur des postes de police, mais dès qu'ils sortent dehors, comme quand c'est pour être vu par le public, les en mettent. Ça revient à ce qu'on disait plus tard, c'est un symbole de soumission à un régime. Donc, ça m'étonnerait que le passe vaccinal soit enlevé si le but d'Éric Kerr entre parfaitement avec tout ça. Peut-être c'est la première phase de quelque chose, ensuite ils auront plus besoin du passe sous la forme qu'on le connaît. Je vois ça un peu comme ça. Donc, malgré la beauté du mouvement, tout ce que je vois, c'est un événement causé par les instigateurs du problème, ensuite une solution sera apportée par les causeurs du problème, ouais, ou ça peut être récupéré par. Vous savez, là, c'est un problème-solution, problème-action-solution, puis ça rappelle, vous savez, je pense que c'est la dialectique hégélienne, là. En tout cas, on peut apporter des preuves de quelque chose, ensuite des contre-preuves de complètement autre chose, deux thèses qui s'opposent, thèse, antithèse, puis ensuite faire une synthèse, puis démontrer qu'au fond, il n'y a rien de réel. Puis là, comme ça, on peut garder n'importe quel interlocuteur dans le vague, le flou. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la loi 15, sur l'abolition de la primauté? Ben. J'ai vu ça dans le journal que là, il disait, il y a des manifestants qui disent que les parents ont des droits, blablabla. Puis là, ah, une décision de la cour vient démontrer que c'est pas le cas, blablabla. Oui, mais c'est pas ça qui était dit. Ils sont extrêmement malhonnêtes, en tout cas, dans les médias à propos de cette question-là. Est-ce que certains manifestants par rapport à la primauté parentale ou au droit filial par rapport aux parents sur les enfants, c'est que. Quelque part, en principe, il y a des droits qui devraient être respectés. Après, les médias viennent nous dire c'est pas vrai parce qu'au niveau des lois qui ont été votées puis qui viennent de passer, puis des décisions rendues récemment par des juges, ce n'est plus vrai. Mais on n'est pas sur le même niveau, là, sur le même. Donc, qu'est-ce que je pense de tout ça? Ben, ça a tout le but depuis longtemps, là. On va commencer par être, c'est le système qui enseigne à vos enfants, c'est le système qui décide pour vos enfants, c'est le système qui paie les soins comme le médecin, ces choses-là pour vos enfants. C'est déjà le système qui, ou un système public d'éducation. La phase suivante, c'est le système, c'est plus lui qui va élever vos enfants, mais ils vont lui appartenir. De toute façon, à leurs yeux, c'est de la ressource humaine. C'est le vieux projet habituel, là. D'un bord ou l'autre, il y a beaucoup d'émotivité, oui. Puis, c'est tout ça est gouverné et dirigé par des gens qui sont plus cyniques, plus techniques. Donc, on est désavantagé si on se met d'un bord comme de l'autre à ce niveau-là. Benoît, j'ai eu de l'électrification neuronale pendant mes débuts. Est-ce que ce phénomène se répète au gré du temps? Ou à un moment donné, ça arrête car le récepteur peut être opérationnel? C'est des phases, ça. Je comprends de quoi vous parlez, là, mais ça sort un peu de ce qu'on parlait avant, mais c'est par phase, puis c'est du cas par cas. Donc, quand on pointe la dissonance cognitive chez l'autre, ça menace un mécanisme de protection et ça peut être dangereux. Oui, ça peut même renforcer les mécanismes de subjectivité. Mais, hostie, que ça serait tentant de leur mettre la face dans leur... Ouais. C'est un autre piège. Surtout qu'il faut que ce plus tard-là vienne. Est-ce du psychologique, tout ça? Ben oui, toujours. Ça dépend de quoi on parle. Mais oui, il y a des mécaniques par rapport à l'ego qui veut se protéger de la réalité. Puis c'est par ça qu'on gouverne, par le psychologique, au fond. C'est ça, le gouvernemental. Il y a gouvernemental. Bon, en tout cas. Est-ce que tu crois que la grosse différence entre les mesures sanitaires américaines et canadiennes va durer encore longtemps? Ça, j'avoue que je ne sais pas. On dirait qu'ils ont des problèmes au niveau législatif entre les États et le fédéral aux États-Unis, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas appliquer ça de la même façon. Mais pour tous les pays qui font partie de l'ancien Empire britannique, comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Canada, on voit que c'est plus rapide. Donc. Je suis obligé d'avoir une électrification cellulaire. Mon contact me satisfait. Il peut. Ah, OK, comme une question. Mon contact me satisfait. Il peut aller se faire voir si ça fait mal, cette affaire-là. Ben, ça peut être déstabilisant, mais j'ai jamais entendu dire que ça pouvait causer une souffrance à ce point-là. Peut-être qu'il serait. Ben, si jamais c'est possible, peut-être. Voir là pour un électroencéphalogramme, là, c'est pas censé être une douleur. Là. Quoique, bon, j'ai vu des douleurs associées, mais c'est pas au point de trouver ça insupportable. Christopher, c'est incroyable ce que l'école apprend en ce moment. Je travaille au Saint-Hubert avec des jeunes du secondaire et ils me disent que la montée du prix du gaz est causée par les camionneurs. Vous voyez, j'avais dit que ça servirait de bouc émissaire. Il y a des camionneurs en ce moment qui ont été empêchés de passer à la frontière et ils avaient tous leurs papiers, puis leurs inoculations correctes, puis leurs passes, puis tout ce que vous voudrez. Pourquoi? C'est lié à ce qu'ils transportaient. Pour des raisons stratégiques, ils sont en train de couper certaines choses pour faire porter le chapeau aux camionneurs. Puis je soupçonne qu'il y a des syndicats qui sont infiltrés, que justement, ils ont aidé à organiser tout ce mouvement-là, puis ça va finir par se retourner contre eux. Ça va tout le temps être considéré que les vrais responsables, l'énergie puis l'attention, va tout le temps être détournée vers des boucs émissaires qu'on instrumentalise. Puis ça veut dire que les vrais responsables font sciemment ce qu'ils font. Donc, concernant les propos de Mona, la psychose sociale de masse est une loi universelle qu'ils ont enfreint. As-tu un avis là-dessus? C'est parce que c'est toujours par phase. C'est-à-dire, oui, on peut aller contre certaines lois universelles. Il va y avoir un retour, il va y avoir un réajustement, mais c'est parce qu'il va y avoir un temps. Ça va fonctionner pendant un temps. Il s'agit d'être stratégique au niveau d'agir sur ce temps-là. Donc, les lois. Les lois de l'énergie, là, à mes yeux, au sens de le côté, en tout cas, c'est des techniciens de ça, dans le sens que oui, il va y avoir un retour, oui, il va y avoir un réajustement, oui, il va avoir des conséquences par rapport à ça, mais c'est encore les fameuses techniques pour détourner l'énergie même qui revient. Puis au niveau des réajustements, c'est encore la masse qui va subir. Vous savez, c'est pas pour rien que ça fait des générations et des générations et des générations que c'est les mêmes familles quand même qui mènent. Pink Floyd, The Wall, tous les enfants servent de chair à pâte. Ce film m'a fait réfléchir à 15 ans. Ah, j'ai eu les mêmes genres de réflexions sans subir d'influence de ce genre de groupe de musique. Mais oui, pourquoi pas, faut que ça passe par quelque chose. Mais vous savez, on devrait avoir capacité de voir, de réfléchir, puis de s'instruire, puis de s'éduquer sans que ça passe par certains mouvements artistiques. En tout cas, ben, vous savez ce que je pense là, en général de tout ce qui est le monde du spectacle. Une information comme une autre, mais j'ai entendu dire que l'événement du 6 janvier aux États-Unis était une prise de pouvoir légalement accordée par le Conseil de Genève. Il circule tellement de choses. Il y a quelqu'un dans mon entourage qui est sur Twitter, puis souvent, hey, t'as-tu vu ça? Là, je regarde là, tout ce qui vient de. Moi, si c'est pas sourcé. Moi, je vois une opération, entre guillemets. Vous parlez là, ce qui est arrivé. Aux États-Unis, là. Je pense que c'est ce qui est en train d'arriver à une autre échelle avec les convois, puis que ça va se retourner comme. Ça a donné quoi, là, aux États-Unis, à part discréditer. Désolé. Ah, comme je vous disais, il y a des petits travaux ici, donc c'est pas un problème de son. Est-ce qu'on peut brûler de la dissonance cognitive avec l'absurde? Genre mettre quatre masques et une ceinture de char en marchant dans la rue. Ben non, vous allez juste passer pour un. C'est pas de même que ça fonctionne, là. Dans le fond, vous allez les confirmer dans ce qu'ils pensent. C'est-à-dire qu'il y en a qui exagèrent ou qui sont dans l'absurde pour. Il y a un gars qui faisait son épicerie avec un masque à gaz, puis la gérante a appelé à la police pour le faire mettre dehors. Pourquoi? Parce que c'était évident qu'il faisait ça pour souligner l'absurdité de certaines règles. Mais elle, y croyant, ça a juste confirmé ce qu'elle pensait du monde qui s'oppose. Ils ont fait installer une scène au Parlement. Trop bien organisé pour être spontané, ça sent l'arnaque. Ben non, mais il y a des Teamsters d'un trucker, là, puis ça se rentre bien dans une boîte de truck, là. Ça peut être des gens de bonne foi qui ont installé ça. L'affaire, c'est que ça me surprend qu'ils ne seraient pas venus des policiers pour dire vous n'avez pas le permis pour monter une structure, puis qui se serait. Donc oui, vous n'avez pas tort. Comme je vous dis, moi, à mes yeux, c'est tout du théâtre. Il y a des gens qui sont en vaste majorité là-dedans de bonne foi. Mais à mes yeux, c'est tout du théâtre pareil. Puis ça va se retourner contre la cause. Ça va se retourner. Ils vont servir de bouc émissaire pour une pénurie qui vient, qui est organisée, qui est perpétrée, qui est voulue. Puis moi, je suis très inquiet parce qu'ici, je suis dans un loyer, puis il y a des loyers au-dessus de moi, puis si on arrête de chauffer ou que je veux dire, je peux résister un bout de temps à. En tout cas, des fois, je me dis, bon, ben, je pourrais aller un bout de temps chez mon ex-conjointe, avec ma mère, elle, dans la maison où qu'elle loue. Il y a possibilité d'installer un chauffage au bois. Puis il y a peut-être moyen de s'arranger avec le propriétaire, là. En tout cas, mais il reste que peut-être va falloir être créatif à un moment donné. Là, si vous voyez ce que je veux dire pendant un certain bout de temps. Pourquoi? Parce que comme dans une secte, quand on veut forcer du monde à croire ou comprendre, ou à digérer, à croire à un certain scénario, ben, on va les priver de manger. Des fois, on va les faire souffrir du froid ou de la chaleur pour leur ramollir la volonté. Si vous voulez, briser les fortes têtes. Puis j'aime pas ça. J'aime pas ce que ça sent. Ça m'étonnerait pas qu'on se fasse mettre en position de survie pendant un bout de temps. Donc, c'était à l'école la projection. Ah, je me souviens pas ce que vous avez dit avant. Donc, Camille Terrier. Il n'y a donc pas de justice de la vie pour les. Ben, vous savez, les vrais, véritables gens qui gouvernent notre monde, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que 1%, là. C'est 0,00001% possiblement. Donc, l'affaire, les 1%, on a plus affaire à une oligarchie écran. Dans une dictature, qu'elle soit nationale ou mondiale, ça prend une oligarchie, c'est-à-dire une caste de privilégiés qui vont dominer la majorité puis servir d'écran. Puis, quand les gens qui gouvernent pour vrai, eux décident de jeter un système à terre, ben c'est cette oligarchie-là qui va payer. Vous avez là, comme les gens qui ont été guillotinés dans le temps, pendant la Révolution, c'était pas eux qui avaient préparé la. Bon, je suis désolé, là. C'est une oligarchie qui a payé, puis ça a l'air que ma voisine a décidé de passer la balayeuse en haut. Donc, c'est pour mon micro, là, je suis désolé. Il n'y a pas de justice parce que la masse des sœurs consent et ne veut pas voir. Et voilà. Les mécanismes de protection psychologique nous desservent. De la même façon que les mécanismes pour protéger des sœurs au niveau de les faire figer quand un char s'en vient par la lumière, ça les dessert puis ils en meurent. Au même, c'est comme quand la peur vous fait figer ou la peur vous empêche de. Puis finalement, ces mécanismes-là, c'est là qu'on voit que c'est désuet, que l'observation psychologique est désuète. Puis même les gens qui ont intégré ça, ils ne se rendent pas compte. Ça prendrait un genre de Batman, du coup, en dehors de la justice conventionnelle. Moi, ne me comptez pas là-dessus. Tout ce qui vient de la culture populaire puis du cinéma, entre autres, c'est vraiment de l'ostinement. Il y en a, c'est le sauveur, là. Il y a un triangle, sauveur, bourreau, victime. Attendez pas un sauveur. Si vous êtes dans la merde, là, vous êtes emprisonné dans la triangule, le conflit triangulé, si vous attendez un sauveur. Donc, en tout cas, il va falloir vous, vous sauver vous-même. Si on est des milliers, bon, désolé, j'en ai perdu. Une semaine, j'étais dans mon. Attendez, j'étais où, là? OK, pourtant, on a posé la question à Trudeau s'il y aurait un impact sur l'approvisionnement des denrées. Il a dit que non, ben oui, mais c'est ça. C'est pour que ce soit une surprise. S'il dit, là, ce ne sera plus une surprise. Si je te le dis, ce ne sera pas une surprise. C'est un peu ça. Quoi qu'on fasse, ça se retourne contre nous. On n'est pas pour rien essayé pour autant qu'il ne sait rien à rien. Voilà. Ben oui, si vous voulez apprendre à gérer de l'énergie dans un système qui fait du judo et qui retourne tout le temps votre propre énergie contre vous, ben, il faut être dans la pratique. Il faut être dans l'action. Et c'est ça, être créatif un petit peu. Comme là, dernièrement, le groupe sa gang font des annonces, fait que j'essaie de détourner un petit peu d'énergie en envoyant un petit peu ce qu'ils font. Je finis à bout de faire un petit peu d'argent. Voilà une semaine, j'étais dans mon lit prêt à dormir. J'étais à moitié endormi et réveillé. Il s'est produit un phénomène hors du commun. Ouais, c'est un état intéressant, ça, quand. Mais là, c'est sûr, ça bifurque un peu là, de ce qu'on parle en général maintenant. Sans mettre trop d'espoir, ni au contraire s'avouer vaincu, on avance et on verra bien. Voilà. On a juste à se fier à notre discernement. Est-ce que ça dit dans l'immédiat, c'est imprévisible pour eux, ça les fait chier, des gens sur le contact. Moi, hein. Mais il y a des plans B, hein. Je parle de ceux en face, là. J'ai des provisions pour 2 mois, des lentilles et des graines à germer, des plantes, je suis prêt. J'ai pas peur pour la nourriture, je peux résister très longtemps avec très peu. Ouais, c'est au niveau de l'énergie, moi, que je m'inquiète. Que dans mon coin, là. Ce que j'aimerais, c'est un boutou. Vous savez, c'est une sorte de gros plat en fer dehors qu'on peut. Benoît, c'est comme. Ok, votre deuxième. C'est comme si j'avais la face dans le vent à une vitesse folle. Ah oui, vous avez peut-être une extériorisation de la sensibilité. En même temps, il y avait la voix de Charlene qui me parlait, disant si j'étais prêt pour un rendez-vous. Est-ce que c'est de la manipulation? Ben, c'est à vous de voir. Mais je pense que vous avez eu une extériorisation de la sensibilité, c'est-à-dire que vous êtes servi de votre corps astral. Juste parce que vous décrivez d'aller à une vitesse folle puis de sentir le vent. Le rêve était réveillé, c'était très spécial. On dit qu'il y a un hélicoptère dans la tête. Oh, oui. Vous avez eu une expérience de sortie, on dirait. En tout cas. Quand je suis avec des gens, je ressens une intense nécessité d'informer les gens, d'informations qui pourraient, selon ses forces, les aider. Ouais, puis ça peut vous nourrir, ça, cette envie-là. De vouloir, si on peut dire, entre guillemets, éduquer votre prochain ou éveiller autour de vous, ça peut se retourner contre vous. Parce qu'il va falloir intégrer d'autres mécaniques avant de faire ça. Peut-être que c'est fait, peut-être que c'est le cas, peut-être que vous êtes capable de gérer ça. Mais c'est parce que, comme je disais plus tôt, il va y avoir des mécanismes de protection des légaux. Ils fonctionnent beaucoup avec la peur. Se rassurer, ils cherchent toujours à se rassurer, l'ego. Donc, il peut y avoir, si vous causez des chocs, mais mal ajustés, ça peut causer des mécanismes de protection. Puis, c'est comme ça, à force de vouloir réveiller quelqu'un, des fois, la personne va encore plus profondément s'endormir, si vous voulez. C'est des mécanismes de protection. Ce que ça vous rappelle la résistance. Donc, ça peut être dangereux. Il y a souvent une phase au début, comme les gens, les premières fois, qui finissent par intégrer des choses par rapport à ce milieu-là, le supramental. Au début, il peut y avoir un enthousiasme qui va les porter à vouloir réveiller tout le monde autour d'eux. Ça se retourne toujours contre eux, ça veut dire qu'ils ont de la naïveté à brûler. Donc, ils se mettent en initiation sociale, si on peut dire, puis il y a même des gens que ça va jusqu'à perdre leur travail, à faire que les gens de leur famille ne leur parlent plus. C'est pour ça qu'il faut le moins possible parler de conscience avec nos proches, entre autres, comme les collègues de travail, puis ces choses-là, c'est à faire attention. Ça devient énervant en TBK. Bon. Ouais, ben, je peux comprendre. Ouais. L'information qui pourrait, selon ses forces, les aider. C'est parce que vouloir aider les autres, c'est avoir mal intégré certaines choses. Il faut que les gens souffrent dans leurs conditions pour qu'ils apprennent à s'informer eux-mêmes, intégrer eux-mêmes. C'est ça la voie du réel expérimental, dans le sens que c'est ça l'individuation. Il faut respecter l'individu dans son expérience. C'est-à-dire qu'il y a du monde qui n'a pas assez souffert. Puis il faut les laisser faire. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est une vraie blague. J'ai reçu 200 pièces en chèque ou dépôt direct pour pallier à la surinflation qui n'est pas prête de redescendre de la manière. C'est parti, comme on dit. Ben oui, on crache pas sur l'argent. Ben oui, c'est une façon de faire ma gueule du monde. De toute façon, ça couvre pas la réelle inflation qu'on. Je suis allé à l'épicerie hier. Puis j'ai acheté de la viande pas mal, parce que bon, mais j'ai pas acheté tant que ça. Hey, ça a coûté 240 pièces. Deux gros sacs d'épicerie, 240 pièces. C'est plus de l'inflation, là. Il y en a qui sortent de l'inflation pour monter certains prix puis ramasser plus, là. Parce que ça suit pas, c'est exponentiel, là, c'est bien trop. C'est vrai que je suis en région, là. Ils servent des camions non disponibles, entre autres, probables, pour justifier ça. Ça donne à rien, ça leur prend le choc, et voilà. Moi, c'est ce qui a le plus fonctionné avec moi, des chocs. En tout cas. Ouais, moi aussi, j'ai le goût de faire le baby snaking sur mes proches. Ah. Est-ce que nous, partis jusqu'en 2033 dans cette situation, ben, ça va évoluer la situation dans le sens que ça va s'intensifier puis changer de. Vous savez, c'est comme un film, là. Un scénario. Il y a des développements. Hein, puis, ça sera pas une stase comme ça, là. Ça va. En tout cas. Oui, erreur monumentale pour les proches. Oui. Je parle jamais, jamais de ces choses-là avec mes proches. Si vous voulez que vos proches rient de vous, vous prennent pour un fou, vous allez avec le temps avoir la sensibilité vibratoire de savoir à qui vous pouvez parler puis de quoi. Ça va finir par. Vous savez, là, une des choses, moi, les plus. Souvent, je vais être approché par des gens qui veulent parler de conscience. Ça me nuit beaucoup parce que moi, je ne veux pas parler de ça avec des proches. Donc, il y a des gens qui vont vouloir devenir mes proches, des proches de moi, puis ils me parlent juste de conscience. Fait que moi, je les repousse. C'est sûr, je ne veux pas parler de ça tout le temps. Je ne veux pas avoir juste ça à l'esprit tout le temps. C'est assez compliqué comme ça. Donc, il faut intégrer soi-même avec soi-même dans sa solitude, pas nécessairement. Dans sa solitude mentale sans chercher la confirmation d'autrui. Ben, vous savez, c'est que l'ego, il va vouloir se valoriser. Puis souvent, ça vient de certains patterns liés à l'enfance. C'est pour ça que les proches, ça subjectivise le rapport au réel. Je sais pas si vous voyez, là, ce qui... D'après toi, y aura-t-il une vague au printemps? Et si oui, quelle sorte d'impact psychologique ça aurait dans la population? Ben, c'est clair que il y a des gens là-dedans que je parle les firmes de consultants là, qui ont derrière certaines tactiques gouvernementales. Là-dedans, il y a des gens qui ont étudié le comportementalisme, ce qu'on appelle en anglais les behavioristes. Le behaviorisme. Puis c'est clair que ils vont s'adapter, eux, à la population de la façon qu'elle digère l'information, la majorité, j'entends. Donc, s'il y a une nouvelle vague au printemps, quelle sorte d'impact psychologique ça va avoir pour la population? Il va y avoir une normalisation de certains problèmes que ça va engendrer. Vous savez, là, quand ils sont là, c'est la nouvelle normalité, oui. Donc, ça va devenir de plus en plus normal d'être un peu déprimé. Puis regardez les anciens pays de l'Union soviétique, là, tout était gris, puis tout le monde buvait, puis tout le monde était un peu morne. C'était normal. Donc, ce qui est, Julie, ce qui rend difficile de regarder d'autres sans intervenir dans son expérience, c'est quand son inconscience rejaillit sur notre vie. Mon commerce fermé, mes enfants masqués. J'écris comme un putois, mais oui. Moi, ouais, je suis là, c'est plus difficile, mais là, on est. La situation est devenue tellement. C'est plus comme c'était. Il y a quelques années, je disais, parlez pas de conscience à vos proches, mais là, c'est de la conscience technique par rapport à la réalité technique du monde. Donc, c'est plus. Pareil, là, c'est pas de la conscience, genre comme certaines affaires, comme les corps subtils, puis des choses comme ça. Donc, là, ça devient plus technique, là. Il y a plus de raisons d'oser parler. C'est pas pareil. Anyway, quand on change pas, besoin de leur parler de ça, juste le changement, ils te rejettent, puis te jugent. Ben, pas là, si vous êtes ajusté, il faut intégrer de la capacité d'ajustement aussi. J'ai des proches que je leur ai jamais donné mon opinion vraiment, puis je n'ai jamais fait pression pour qu'ils changent d'idée, puis juste à me côtoyer, je pense que la vibration a un effet. Je suis entouré de gens qui croient rien de tout ça, là. Puis pourtant, au début, ils étaient convaincus que c'était réel. Puis moi, genre, okay, hop, je fais semblant que moi, je m'en mêle pas trop au pire. Mais finalement, on finit par. Tu sais quoi, ils disent dans le taoïsme, c'est t'as même pas besoin de parler. Juste ce que t'aimais va autour, là, la vraie. C'est quoi qu'il disait? Donc, vous savez, l'affaire, l'espèce de maître qui enseigne sans rien faire, là. Ça va de soi avoir. Ben, il y a une mécanique comme ça, c'est vibratoire, on dirait. Ça va de soi avoir la contenance, une retenue par rapport à ce que l'on peut dire aux proches non préparés, mais sur les réseaux sociaux ou canal YouTube, j'utilise plutôt comme exutoire, moi. Mais le ton sur les réseaux sociaux est un petit peu exagéré. Des fois, il y en a, ils forcent la note pour se faire entendre. Puis, je peux pas dire que je... En tout cas, parfois, j'ai l'impression d'habiter une planète qui ne nous appartient pas, mais peut-être que c'est ce qu'ils veulent. Moi, que vous ayez l'impression que... Ben oui. L'affaire, c'est qu'il faut s'habiter soi. Puis là... vous allez avoir un espace expérimental créatif autour de vous qui va être votre planète à vous sur la planète. Puis ça va se déplacer avec vous, cet espace-là. Je peux vous voyez. Parce que les impressions, c'est pas réel. Juste le terme le dit. C'est lié à l'âme. Une impression, vous voyez, c'est l'âme qui est influencée. Donc, ça vient de l'extérieur. C'est pas, le mouvement créatif vient d'en dedans vers l'extérieur. Donc, juste par les mots, là, on peut voir que il ne me parle plus, mais c'est plus pour mon côté pro-choix. Ah. Vous savez, j'ai vu dans le journal, c'est des gens qui parlaient, ils disaient, ah, oh, mes parents sont complotistes, puis là, quand on s'est fait inoculer, ils ont cessé de nous parler, puis là, finalement, après, ils ont voulu revenir vers nous. Mais comme il n'y a pas moyen de leur faire entendre raison, j'ai cessé, moi, de leur parler. Fait qu'ils font tout le temps à croire que les gens qui sont dans certaines idées, si vous voulez, là, parce qu'ils présentent ça comme si c'était une idéologie complotiste, vont se couper de leur famille, alors qu'il y a une induction pour que les gens se coupent de leur famille, des gens dans leur famille qui ont un discours qui va pas avec les narratifs officiels. Puis ils vont toujours faire à croire que c'est de votre faute. Mais c'est les techniques de manipulation par la culpabilisation. On habite des sociétés immatures. C'est pour ça que justement, les parents, leur rapport au niveau de leurs enfants, vont essayer de leur faire intégrer des choses de la vie au niveau d'un comportementalisme basé sur un chantage psycho-affectif lié, entre autres, à de la culpabilisation. Une fois que le parent a, si vous voulez, pollué son enfant au point de le rendre subjectif comme ça, là, il reste juste au gouvernement à continuer par empirer le processus, mais c'est des réactions. C'est lié à l'animalité psychosociale humaine, c'est-à-dire que l'être humain, il y a une partie de lui qui est une sorte un peu simiesque. Il y a autre chose, ce qu'on pourrait appeler son âme, qui va de. Mais l'aspect collectif, lui, il est animant. Puis on va se servir de ça, là, notamment les pulsions comme la peur, le besoin de se rassurer, le besoin de s'accorder une valeur, le fait qu'on est social, qu'on est socialisé, c'est ça que les gens vont vouloir, ils vont se plier pour pas être rejetés. Toutes ces mécaniques-là, c'est ça qu'étudient les behavioristes, entre autres au niveau pratique, la réactivité comportementale. Puis c'est comme ça qu'un gouvernement peut après engager une firme de consultants, dire à la firme, moi je veux tel comportement parce que plus haut au niveau transnational, c'est ça qu'on me demande que ma population ait comme comportement, puis la firme va expliquer exactement comment agir pour obtenir ce comportement-là. En tout cas. Donc, d'habiter, ok. Une extériorisation du corps astral, ça rime à quoi? Non, vous avez une extériorisation de la sensibilité. C'est-à-dire avoir une projection du corps physique dans un autre corps qui, lui, est psychomagnétique, qu'on appelle le corps astral. Il va avoir une séparation entre le psychomagnétique et le bioélectrique du corps physique, neuronal. C'est pour ça qu'il y a un lien. Ce qu'on appelle le filin d'argent, puis c'est difficile à expliquer ces affaires-là, mais dans le fond, c'est très simple. Ils avaient une extériorisation hors corps, mais il y a un corps qui sépare de l'autre. En tout cas, c'est quoi le but? Pourquoi ça arrive? C'est quoi le but? Ça veut dire qu'au niveau astral, vous êtes sensible. Vous êtes astralisé au point de faire des sorties astrales. C'est quoi le but, peut-être, d'être déçu, de vous rendre compte que c'est pas réel l'astral? Possiblement. Dans le temps, là, il y en a, ils faisaient des sorties hors corps, puis ils allaient à ce qu'ils appelaient le sabbat. Ils ont payé pour au niveau social, pas à peu près. C'est pas réel, l'astral. Le monde des rêves collectifs, là, si vous voulez. Il y en a qui pensent que c'est une autre réalité, puis c'est lié à la spiritualité, puis ils vont l'apprendre à la dure, peut-être que c'est pas réel. Le mot normal est synonyme de mode dans ce sens. Hein? Je peux voir, il y a quelqu'un qui tousse dehors. Le mot normal est synonyme de mode en ce sens. Normal. Il y a une différence entre normal, je voulais dire, au sens de norme, parce que la mode, ça marche comme de la pollution. La norme, c'est induit, par exemple, mais la mode, c'est plus dynamique parce que là, c'est une influence. En tout cas, genre comme TikTok, là. On peut parler des tendances puis des modes. Normalement, ça ne m'intéresse pas, mais le 22 février 2022, Pluton sera au même endroit que le 4 juillet 1765. Qu'est-ce qu'en penses-tu? Ouais. Ouais. Il y a des cycles liés à des révolutions, pas des changements. Puis Pluton, c'est pas une force ben pro-humaine au niveau des changements collectifs qui nuisent à l'individu pour un temps, là. Vous savez, il y a des forces qui ne nous aiment pas, là, dont Vénus, Mars, Pluton. Bon, qu'est-ce que j'en pense? Ben, rien. Nous verrons bien, mais oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, possiblement. Le oui ou le non-agir ou le taoïsme. Oui, mais ça ne veut pas dire ne rien faire. Ça n'a rien à voir, c'est actif. C'est pas passif. C'est un non-agir actif. Mais comme vous savez, vous connaissez les termes, vous devez savoir ça. Steve, c'est exact l'attrait plutôt que la réclame. Je vois pas ce que vous voulez dire. Est-ce que la magie égale manipulation? Ben oui. Peu importe. Mais c'est transférer de l'énergie d'une structure à d'autres. Pour un but. Pour un but. C'est ça, au fond. Parce que des fois, je ne comprends pas quand tu dis que certains gouvernements font de la magie. Ben oui, mais c'est parce que le monde, ils ont une vision comme dans les films, puis dans les livres. Les livres, c'est quelque chose de concret. C'est quelque chose de concret. La magie, c'est de se servir du subtil au niveau de, dans la densification, dans le concret des choses matérielles, obtenir un effet. Comme si je me mets un masque d'Halloween, puis je vous fais peur, puis vous reculez, puis que comme ça, je réussis à vous faire tomber d'un ravin, je me suis servi de quelque chose de subtil, qui est la psychologie, les programmes de peur, pour accomplir quelque chose de concret dans le densifier des choses. Quand vous vous servez de techniques de psychologie pour vendre de la liqueur à du monde ou de la gomme, de la marketing, vous vous servez du subtil pour les dominer à leur insu, vous servir de programmes dont ils n'ont pas nécessairement conscience pour, à leur insu, leur faire adopter un comportement. La magie, c'est une science de se servir du subtil pour, au niveau de la densification, agir dans l'épée. Dans le. Comment je pourrais dire? C'est pas compliqué, là. Regardez, là, si je prends une liasse de 100 $, ça n'a aucune valeur, c'est juste du papier, mais au niveau d'un consensus collectif, on nous accordons une valeur, puis avec ça, je peux avoir un effet dans le plan matériel, comme corrompre quelqu'un. Donc, c'est en ce sens-là. La magie, c'est pas de la petite vapeur, c'est pas des affaires fantasques. Derrière toute la fantasmagorie, il se cache. C'est tout encodé, c'est ce qu'on appelle de la cryptographie, entre autres. Puis de la gayométrie, c'est-à-dire la capacité de rendre, de subjectiver quelque chose pour que le profane ne comprenne rien. C'est pour ça que si vous regardez des livres d'occultisme qui parlent de toutes sortes d'affaires, vous regardez des talismans puis des affaires, ça a l'air complètement farfelu. Mais derrière la fausse pratique qui est pour la masse, c'est-à-dire le grand véhicule, se cache encodé dedans le petit véhicule qui est juste pour les initiés, qui eux savent que c'est concret, que ça n'a rien de magique. Pour être un magicien, il faut sortir de la pensée magique à ce niveau-là pour être à ce niveau. C'est pour ça l'affaire de. Si c'est comme quelqu'un qui ferait des bénédictions, puis au niveau de la parole, si vous comprenez la force du vibratoire, puis que c'est intégré au niveau d'une science, vous n'êtes plus dans la bénédiction au sens d'une pensée magique ou spirituelle naïve. Là, il y en a. Comprenez, c'est. Je sais que c'est subtil, puis le monde a été pollué. On a subjectivé leur perception pour que toutes ces choses-là passent pour des conneries. Mais bien de valeur, là. Il y a du concret là-dedans. Juste un billet de monnaie, c'est de la magie. Juste une pièce de monnaie, c'est quand on frappe monnaie, qu'on met la face d'un souverain dessus, c'est de la magie. C'est un support pour l'énergie. Comprenez? C'est pas compliqué. Ça a l'air compliqué, mais c'est parce que c'est subtil. C'est subtil. Puis les gens qui gouvernent depuis de tout temps, ça a tout le temps été des gens versés dans ces choses. Choses-là, ou qui sont conseillés par des gens versés dans ces choses-là. C'est lié notamment comme les services secrets. Prenez la reine Elisabeth Tudor puis son John Dee. Ou bien l'autre, la folle en France, puis Michel de Nostradamus. OK? C'est en ce sens-là. Donc, si pour eux autres, l'argent n'est pas un problème, leur but est quoi au juste? C'est l'énergie, le pouvoir, vous êtes de la ressource. On est dans un monde vampirique, c'est-à-dire que l'énergie, elle ne peut pas apparaître de nulle part, il faut la transférer d'une structure à l'autre. Donc, le but, c'est le pouvoir. Ça a tout le temps été ça. Et justement, au niveau du supramental, il y a un travail qui est fait avec des forces qu'eux vont s'assurer que vous ne voulez aucun pouvoir. À cause de ça. Parce que ce que je vous décris là, ça s'appelle l'involution. Donc, leur but au juste, c'est quoi? C'est le pouvoir. C'est pas pour rien que tout ce qui se passe là, c'est pour le contrôle. Ces êtres-là, ils n'ont pas de contrôle sur les structures internes au niveau d'eux-mêmes. Ils sont contrôlés par, donc, le contrôle va sortir, va être à l'extérieur, va être projeté à l'extérieur. Donc, ils veulent contrôler tout le monde. Je pense, je parlais de la nouvelle normalité comme étant une mode. J'irai pas jusque-là parce qu'une mode, ça va se répandre d'une façon. C'est un phénomène presque autorégulé, c'est pas quelque chose qui est voulu par un État nécessairement. Quand la princesse Paladine s'est mise à se mettre des fourrures dans le cou, puis que tout d'un coup c'est devenu une mode, puis qu'en France, à la cour, les gens on se sont mis à appeler ça une Paladine, c'est pas parce que le gouvernement, c'est-à-dire Louis XIV, ses ministres, avaient décidé ça, là. Tandis que là, la nouvelle normalité, c'est décidé par les États. C'est eux, ben, pas décidé par les États, mais ça passe par eux. C'est pas fortuit, c'est pas selon des influences, presque selon des mécaniques naturelles là, que ça se répand. Est-ce que la radionique fait partie de la magie? Tout fait partie de la magie. Il va falloir à un moment donné que ce mot-là soit détruit, que la forme du mot soit détruite pour qu'on se rende compte que c'est la science des sciences. En tout cas, quand tu parles vouloir convaincre au lieu d'agir et que les autres le voient de par vos actions, moi, j'appellerais ça comme ça. C'est un peu comme. C'est très difficile parce que convaincre, c'est une activité de compensation par rapport à une incapacité de faire voir, de donner la vue de quelque chose à quelqu'un. Si la personne voit quelque chose, elle le voit. Pas besoin de lui décrire puis de la convaincre. Donc, nous vivons dans un théâtre de gens aliénés qui aliènent les autres dans leur conscience fausse. Ben, c'est ça la pollution. Dans le sens, la subjectivité sociale. Il y a des mécanismes. C'est pour ça l'individuation, l'importance de l'individuation, développer un centre, c'est ça, entrer dans son intelligence, c'est ça. Ce que Bernard le disait, là, c'était très, très, très concret. Pourtant, le monde, il voit des métaphores, il voit des voyons, là, c'est très, très concret. Aussi concret que la table qui est devant moi. Si l'énergie ne fait que se transférer, cela veut dire que la quantité d'énergie est finie. C'est par rapport au plan. Il y a des lois par rapport au plan. C'est un peu comme. En tout cas, je ne veux pas entrer dans l'affaire de comment que ça passe de. Ça suit des structures, puis ça passe d'un plan à l'autre. L'énergie, elle circule dans un. Pas pour rien qu'on parle des circuits universels. Puis. Il peut y avoir, c'est pas que l'énergie est finie nécessairement, mais il faut qu'elle se transfère, c'est-à-dire que on peut pas la faire apparaître de nulle part, il faut qu'elle passe d'un plan à l'autre. Ça prend des structures de circulation, en tout cas. C'est des lois de physique. C'est des lois de physique. Tu sais, même le psychologique est soumis à ça. Quand tu veux le contrôle, c'est que tu souffres d'insécurité. Moi, ça veut dire que les gens qui veulent le contrôle à l'extérieur, ça veut dire qu'il y a un problème de contrôle à l'intérieur. C'est censé être un mouvement naturel. Pas être quelque chose qu'il faut forcer appliquer un stress aux structures pour les. En tout cas, vouloir dominer autrui. Dominer autrui, c'est appliquer un stress à une structure pour forcer le passage de l'énergie pour un mouvement. Sommes-nous dans le virage pour passer à l'évolution? On est dans la fin de l'involution. Je le vois comme ça, là, fait qu'il va avoir bien des dégâts après, puis là, on verra. Je serai peut-être plus là. Pour être en quête de pouvoir comme ils le font, c'est parce que nécessairement, ils sont faibles d'eux-mêmes, disent. Ben oui, quelqu'un de fort ne cherche pas la force. Ça, il ne cherche pas non plus à forcer autrui. Ça va de soi. La vraie force, le vrai pouvoir, c'est. Comment je pourrais dire ça? Ça va de soi, c'est un mouvement naturel. T'as même plus besoin de penser. C'est un peu comme avoir une sensibilité esthétique. La personne n'aura pas besoin de lire des livres pour ordonner d'une façon harmonieuse qui l'entoure. Elle passera pas par l'intellect. Je suis tombé sur les audios de Daniel Camp, les contacter des extraterrestres et rencontre avec un extraterrestre. J'ai compris qu'il allait avoir des ET involutifs et évolutifs qui descendraient. Ben oui, mais c'est parce que ce qu'on vit dans notre plan, c'est pareil sur toutes les autres plans. Il y a de l'involutif puis de l'évolutif dans tout ce qui est en contact au niveau de l'univers local avec nous autres. Benoît, il me semble que. Ah, c'était Benoît aussi. Il me semble que pour qu'apparaisse un gouvernement mondial, il faut l'abolition de toutes les religions qui seraient dues à l'apparition. Ben, vous voyez, là, alors, si vous relisez l'Apocalypse, c'est votre question d'apostasie généralisée. C'est quoi cette affaire-là? Hein? Au lieu de convaincre, imposer et puis ajuster contextuellement. Ça dépend du contexte, comme vous dites. Comme vous dites. Mais l'affaire, c'est que si la personne est convaincue qu'elle n'a pas le choix, vous venez d'imposer quelque chose, mais de convaincre aussi. Convaincre, c'est imposer. Parce que convaincre, vous voyez comme il semble y avoir une sorte de côté miroir avec vaincre. Pour être contacté par un ET conscient ou inconscient, il suffit d'un bon système endoctriné pour les attirer. Ça, je ne sais pas. Parce qu'il y en a en masse. De toute façon, là, c'est quoi l'affaire des ET? Il y a des affaires qui se font passer pour des ET, puis ce n'est pas des ET. OK? Puis souvent, c'est pas pour rien qu'il y a des bizarres là, qui se font contacter. Ça sert à discréditer d'autres affaires. En tout cas, tout ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est qu'on est manipulé d'un bout à l'autre, même par ce qui est, entre guillemets, bien. Ce qu'on oserait dire. Bonjour, as-tu vu la dernière vidéo de Glenn avec Alain Laurenteau? Je ne l'écoute pas, Glenn. Fait que non, je n'ai pas vu ça. J'ai bien de la misère à l'écouter. Il me fait baisser en vibration avec sa voix caverneuse, puis ses effets de. Juste l'espèce de musique, là, pis. Ah non, je suis pas capable. J'ai un problème avec les principes de race racine, comme si c'était une tentative de corruption d'avant mon esprit, pour tenter de me faire croire ou convaincre à une nouvelle histoire. Ouais. Ben, vous savez, l'affaire des races racines, ça vient entre autres des théosophes. Le problème, c'est que les théosophes, je ne sais pas comment ça, il semblerait qu'ils ont eu contact avec des archives. Je parle pas même des archives akashiques, là, mais des vraies archives qui sont dans des langues que les gens comme les théosophes n'avaient pas la culture de traduire. Mais pourtant, il semblerait qu'ils ont eu contact avec des archives. C'est-à-dire qu'ils ont eu connaissance qu'il y a des cycles, puis qu'il y a eu des affaires avant. Puis, c'est difficile à expliquer comment ils ont réussi, mais ça vient d'eux, la patente de race racine. Savez-vous que ça n'a pas rapport avec la conception de race comme on l'entend au niveau moderne? Si je prends quelqu'un à Tombouctou, puis quelqu'un, je ne sais pas, moi, en Suisse ou en Belgique, ils sont de la même race racine. Mais ça, c'est pas au niveau des théosophes, c'est au niveau du cycle. Donc, c'est la forme, je dirais, qui est pas ajustée, peut-être, qui est de plus en plus désuète. Arrêtez de chercher confirmation chez autrui, et voilà, vous éveillez, vous êtes adulte, Ce qui est ajusté pour l'un ne l'est pas pour l'autre. Et voilà, laisser souffrir s'il y a lieu, il doit brûler de la naïveté. C'est ce que je pense aussi. La théosophie a été reprise par le New Age. Ben oui, c'est involutif puis astral. Donc, moi, la Blavatsky, c'est pas mon ami, là. Annie Besant non plus, puis toute sa gang de Madame Comique, là. C'est le cercle des fermières de l'astral, ça, là. Les gouvernements n'ont pas l'air de s'épuiser. Vous savez, par rapport aux théosophes, le problème avec la théosophie, c'est que c'est involutif. Pas que c'est tout de la bullshit puis de la merde, c'est que c'est de la déformation du réel. C'est de la subjectivation du réel. C'est de l'astralisation puis de la spiritualisation d'un réel que les égaux ne sont pas encore prêts à intégrer. Donc, c'est de la manipulation par toutes sortes d'affaires. Donc, les gouvernements n'ont pas l'air de s'épuiser. Non. Comme Trudeau, ils disent qu'il est allé se cacher pour ce qu'il a peur. Ben, il se repose, là. Il se prépare à l'acte 2. Non, l'acte 3, je dirais, l'acte 3. On va voir là, les fusils de Tchekhov au début de la pièce vont servir à quoi, enfin. Pourquoi? Un petit peu plus tard. Parfois, je me demande si le supramental n'est pas New Age. Ben, c'est anti-New Age. Il n'y a pas de principe New Age dans le... Moi, le supramental dont je parle, c'est un phénomène psychique. C'est parce que vous entendez le supramental en tant que phénomène social. Oui. Cet aspect-là, oui. Ben oui. Le monde là, qui tripait sur Daniel Kemp et qui allait dans sa petite salle qui avait fait des dessins sur les murs autour puis des scènes. Puis que, vous voyez, c'est du New Age tant qu'à moi. Pourquoi? Parce que c'est de la spiritualité qui sortait des religions organisées puis qui cherchait une forme de synthèse. Mais le phénomène que Daniel Kemp vivait dans son psychisme quand il parlait, ça, c'est pas New Age à mes yeux. Mais ça le devient dès que c'est interprété subjectivement par un auditoire. Vous comprenez, là? C'est très, très... Tout ce qui est collectif, ça peut être New Age, si vous voulez, mais c'est l'aspect individuel qui ne l'est pas. En tout cas, j'ignore pourquoi, mais à chaque fois qu'une personne me demande de parler de culte et de développer, je suis très souvent désajusté. Ah, c'est moi. Ouais. Ben, vous savez, il va falloir exercer la parole, mais ça sera pas. C'est de briser le culte, c'est de désocculter. Fait que parler de culte. Ou parler occultement, peut-être. De toute façon, on a toutes des mécaniques, on est surveillés. Moi, en tout cas, j'ai déjà vécu de la censure en parlant. Je me faisais enlever mes mots, je me faisais enlever mes idées, parce qu'il y a des structures prépersonnelles qui ne voulaient pas que je parle. Donc, puis des fois aussi, on dirait que ça veut qu'on manifeste une volonté, qu'on force le quoi qui déterminera la fin. Quoi ou qui déterminera la fin de notre cycle? Ben, ça n'a pas rapport, c'est des phénomènes naturels. Les cycles, c'est bien plus lié à la vie de la planète qu'à notre vie à nous, à la base, là. Donc, exact, Todd. Quand vous essayez d'influencer, arrêtez, ayant en tête cette image, vous êtes comme un Glenn faisant du prosélytisme pour sa grande monarchie. Bon, pas besoin d'aller jusque-là. Même moi, là, quand je sens que j'ai de l'influence, là, je pourrais faire exprès pour être antipathique ou dire des niaiseries. Parce que je sais que c'est pas ça le but. Là. Dans le fond, c'est que vous, ça vous dit quoi? Vous voyez quoi là-dedans? Parce que moi, ce que je fais, j'exerce une parole. Mais ça, parce qu'il faut pas croire à ce que je dis jamais. Je vous donne mon son de cloche, puis c'est pour voir au niveau d'une résonance, vous, ça résonne quoi? Vous voyez quoi là-dedans? Donc, la manipulation qui manipule le manipulateur, tout est parfait, il suffit de discerner. Oui, mais on vit dans un monde où le subtil habite des corps. Donc, tout est manipulation, malheureusement ou heureusement, peut-être, ça dépend des fois. Vous pouvez être manipulé par l'évolution. Le bien, si vous voulez, là, si on en parle d'une façon morale, là, on peut être manipulé par le bien pour le bien. Encore avec les principes gnostiques, les créatures archontiques me paraissent trop colorées et je m'en méfie. Ben, là, c'est simplement mes préjugés car je n'en ai pas fait. l'effort de lire sur le sujet. Ben moi non plus, vous savez. Pourtant, je vois ce que vous voulez dire. Gaz, lightning, googlez ça. Ouais. Des petits des opérations de phénomènes écrans, mais ça, c'est un principe, gaz lightning, c'est une façon de détourner l'attention puis de créer des écrans. Bon, en tout cas, sur certains, je sais pas si vous en parlez au sens de manipulation dans les médias, là. J'ai lu du charme. C'est malaisant de sentir qu'on peut influencer des gens. Bon, vient qu'on s'habitue. Mais l'affaire, c'est qu'à un moment donné, on vient que. Si on a peur, dans le sens qu'on veut pas faire, on veut pas que nuire. C'est là que. En tout cas. Mais le pire, c'est que c'est des phénomènes naturels, autorégulés, d'évolutifs, dans le sens que la personne, si ça lui nuit, elle va souffrir, puis elle est censée se rendre compte, puis se détourner. Mais là, on n'a pas envie de faire exprès, on voudrait que ça s'intègre autrement. C'est très bien de pouvoir communiquer par écrit, mais ça fait trop intervenir le mental, intellectuel, subjectif. C'est drôle, hein? Le phénomène d'écriture automatique existe, là. C'est pas psychologique, intellectuel. J'y préfère l'échange de vive voix qui fait intervenir la verbalisation subconsciente. J'aime pas ici le terme subconscient. J'aimerais mieux, là, à mes yeux, à moi, le prépersonnel. Les phénomènes prépersonnels que subconscient, parce que la conscience involutive est déjà un mental inférieur, l'intellect, comme vous dites. Donc, subconscient en dessous de ça. J'aimerais mieux à côté, dans le sens d'un dynamisme, horizontal. Donc, la destruction de l'ego doit. Non, non, la dépollution de l'ego. Le rendre objectif, une lentille qu'on polie, qui devient comme un cristal, pas la destruction de l'ego. Si je détruis l'ego de quelqu'un, savez-vous ce que ça va être? Ça va être après un légume. On appelle ça un légume, quelqu'un qui n'a pas d'ego. La destruction de l'ego doit passer par un processus de perdre la face, souvent afin de ne se jamais prendre au sérieux. C'est souffrant quand on accorde de l'importance. Oui, mais ça, c'est brûler de la pollution dans l'ego par l'expérimental, c'est-à-dire se mettre en initiation. Là, on s'humilie, on se met dans la merde. Ça force l'humilité, si on peut dire, une humilité bien placée. Pour que plus tard, il y ait de l'orgueil bien placé, c'est-à-dire une certaine dignité réelle. Mais on ne peut pas détruire l'ego, faut pas détruire l'ego. Qui veut détruire les égos, là, à part des capotés, là? Faut pas détruire l'ego, là. L'ego, c'est une lentille. Il y a de la marde dedans, là, on essuie ça par les processus dont vous parlez. Je suis équerri de vivre dans ce monde, je ne vois aucune perspective et aucune issue. Ben, ça, c'est astral. C'est des forces anti-homme puis anti-vie, là, qui vous influencent. Quand vous serez vraiment écœuré, mais de la bonne façon, là, vous aurez plus peur de vivre dans ce monde. Vous allez être curieux. Vous allez être curieux de voir, la suite. Donc, vous serez plus écœuré de vivre dans ce monde. Mais c'est pas bon signe, ça, être écœuré de vivre dans ce monde. Dans le sens, au niveau de votre perception puis de vos possibilités, est-ce qu'il y a capacité de faire quelque chose qui va changer ça autour de vous? Parce que écœuré de vivre dans ce monde, ça, c'est comme des idées noires, là. Manipulation, oui. Ah oui, je me souviens pas avant. Todd, Marthe, vous influencez? N'influencez jamais qu'involontairement en assumant votre vibration. Sans penser aux autres. Moi, des fois, j'y pense. Dans le sens que je ne veux pas nuire. C'est surtout ça, là. Je veux pas que les gens se mettent en initiation et qu'ils souffrent pour rien alors qu'il y a des voies plus ergonomiques. Avez-vous vu les romans de Carlos Castaneda? Vous voulez dire ces livres d'anthropologie, ben, par rapport, là, qui présentent comme des réalités, là, comme c'est toutes des romans, tant qu'à moi, ça, mais non, je ne l'ai jamais lu. J'ai lu L'Aventure intégrale, où ce qui parle de Don Juan, puis d'autres inventions, que c'est de l'ordre du roman, tant qu'à moi, mais juste en le lisant, là, c'est planeur, très lourd, puis tout, j'ai vu, c'était de la merde. Désolé, mais à mes yeux, ça, c'est des romans. Ça, c'est un roman. C'est le seul livre que j'ai lu de lui, ça a été assez. Je trouve que la science des Toltecs est intéressante d'apprendre avec des super pincettes. Moi, surtout ça dans le temps de la mode, là, la prophétie des Andes. Oh, je sais pas. Moi, c'est jamais pas fait triper ça, là. Ça me fait pas vibrer bien. Mais l'autre, là, Don Juan, pis ces histoires de Don Juan, ça a créé une mode d'aller se faire initier par des chamans en Amérique centrale. Il y en a, ils se sont mis à prendre toutes sortes de cactus puis de champignons, puis ils ont fait des psychoses, puis bon. Je sais pas, là, on n'est pas loin de. Ça me fait penser, ça, ce qui a amené des jeunes à aller en Inde dans les années 60, 70, là. Je peux pas dire que j'aime ça. Mais il y en a, faut qu'ils passent par là, semble-t-il. Mais après, des fois, ils sont l'ombre d'eux-mêmes. C'est ça que j'aime pas. Donc, les logos et sub-logos et sub-sub-logos. Qu'est-ce que ça signifie, même si hors contexte, merci. Je ne sais pas de quoi vous parlez des logos comme de compagnie. On est encore un peu dans l'enfance de l'humanité, donc ça prend des blasons. Les formes émettent des ondes aussi, c'est d'impressionner l'arbre. Imprimer une. En tout cas. Est-ce que les idées noires sont une forme de manipulation des plans? Oui. Ben oui. Comme aussi tout ce qui est de l'enthousiasme naïf exagéré aussi. C'est de la manipulation au sens où c'est subtil et subjectif. Là, on est pas mal. Prenez un bipolaire, là, ce qu'on appelait anciennement un maniaco-dépressif. Il va passer de phases d'idées noires à des phases d'idées de grandeur complètement folle. C'est de la manipulation par les plans. La personne n'a pas de centre. Elle est polarisée. Elle se fait barouetter au niveau de choses qui ne sont pas intégrées, là, entre autres. L'âme est trop sensible. Il y a trop d'émotivité. Ça nourrit des programmes, dans le fond, qui s'activent, des mises en vibration. Pourquoi il y a des personnes qui se suicident dans le processus du supramental? Hein? Ça, c'est très intéressant. Pourquoi, selon vous? Il y a un tri qui se fait, puis aussi de la résistance extrême à l'intégration du réel. Il y en a qui meurent en chemin. Mais c'est pareil au niveau de l'expérience en général dans la vie. C'est juste que le supramental, c'est pas mal rough. C'est des processus durs. C'est des phénomènes extrêmement impressionnants. Puis une fois qu'on se rend compte que c'est des fois que ça n'a pas le sens, au sens de donner un sens d'une façon subjective, puis que faut intégrer que la réalité, c'est pas ce qu'on pensait, puis que la vie a pas de sens au sens où on le pensait, puis que ce qu'on pense, on le pense pas, c'est pas réel, puis qu'il y a rien de réel. Il y en a, au lieu d'avoir leur ego psychologique qui brûle, puis que là, si vous voulez, il y a autre chose qui se crée, il y en a, ils brûlent avec. Ils sont pas capables, c'est insupportable, ça devient insupportable. Intégrer le dialogue intérieur avec. Le pronom-tu est-il signe de bonne santé mentale? Ben, ça dépend. C'est du cas par cas. Je le sais que dans le supramental, ben, moi, personnellement, ça va me parler au-dessus, souvent. Des fois, je vais me dire, bon, qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi ça, j'ai pas envie de faire? T'as juste à dire, t'es fatigué. Repose-toi. Puis, pas au sens que ça me parle comme si c'est moi qui le pensais, puis que c'était mes pensées avec ma voix. Mais comme en tant qu'ego, je ne peux pas savoir ce que ça va me dire, puis que ça me parle au-dessus d'une certaine façon, c'est comme de la pensée qui vient de moi. Mais c'est ça, cette pensée-là va être plus ajustée au réel que la pensée à laquelle je m'identifie. Donc, est-ce que c'est signe de bonne santé mentale? C'est du cas par cas, ça dépend à qui. Si le monde, ça se fait parler au-dessus, t'sais, le dialogue se fait parler au-dessus, puis que ça dit que c'est le Christ qui parle, ou que c'est, je sais pas, moi. Des entités ou que c'est quelque chose qui dit être le double, puis que c'est pas ça, c'est pas bon signe. Mon commentaire ne veut pas publier. Ah, ça se peut. Mais moi, en ce moment, je contrôle rien. Puis j'ai pas de. J'ai personne qui fait de modération. C'est sûr que les idées noires, c'est manipulation. Cependant, lorsque plus rien nous enthousiasme, plus rien nous fait sourire, il est difficile de voir au-delà. Oui, mais à ce moment-là, ça devrait être de l'indifférence. La personne qui verrait, qui aurait plus rien, l'enthousiasme devrait tomber dans une mécanicité cynique et une indifférence qui devient juste technique. Donc, ça dépend s'il y a encore de l'émotivité pour nourrir des programmes, puis s'il y a encore des mises en vibration ou pas. Donc, je te l'envoie par courriel. OK, mais ça fait un bout de temps, je ne suis pas allé voir, je vais y aller bientôt. Ah, il y a quelqu'un qui n'est pas content après moi. En tout cas, quand le contact donne une information réelle, est-ce qu'une bonne méthode de toujours la banaliser au niveau de l'intellect? Attendez, là. Faut que je relis ça. Quand le contact donne une information réelle, est-ce une bonne méthode de toujours le banaliser au niveau de l'intellect? C'est l'affaire de banaliser, je vois pas ce que vous voulez dire. Y a toujours moyen de. Moi, je me sors de tout en même temps. On est multidimensionnel. J'ai jamais totalement abandonné l'intellect, le mental inférieur pour que ça disparaisse. C'est comme quand je dis que quelqu'un est psychologique, c'est au sens où il n'y a pas la capacité d'avoir une méta conscience, d'aller au-delà du psychologique, pas que le psychologique est entièrement mauvais. Faut garder. En tout cas, c'est d'assez large. Il n'y a pas de. J'ai eu le contact avec un ego en 1000 morceaux. Il a fallu que je recolle pour résister aux énergies. Ah. C'est parce que ça dépend qu'est-ce que je voulais dire par là. Ça peut être un mécanisme de survie, là. Que penses-tu de la race Vulcaine? Qui sont des êtres dans la série de science-fiction Star Trek. Ben, c'est ça, là. J'allais dire que c'est ça, le Vulcan. C'est quoi ça? On dirait que ça sort d'une bande dessinée. Je vais être franc avec vous, Star Trek, je n'ai jamais suivi ça bien. Ben. Puis je trouve pas ça extraordinaire. C'est quoi les Vulcains? C'est ceux qui ont la face. Ils ont une épine dorsale qui leur suit le nez, là. Ils ont une colonne vertébrale dans le front, là. Vous savez, l'être humain n'est pas créatif encore, donc il va s'inspirer de choses qui existent déjà sur Terre pour essayer de faire de la création, parce que dans le fond, c'est un bricoleur, l'être humain. Donc, possiblement qu'on peut rapprocher ça de certaines cultures plus martiales, plus. Ah, les Vulcains, c'est ceux qui ont les oreilles pointues, ça, hein? Comme Monsieur Spock. Je pense à rien de ça. C'est comme quelqu'un de. D'hyper rationnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de créativité non plus, c'est un être mécanique. N'y a rien d'intéressant à mes yeux là-dedans. Pourrais-tu remettre ton courriel, Bertel, s'il te plaît? Oui, mais là, il faudrait que j'aille le chercher, là. Mais j'ai une vidéo. Mais oui, je vais essayer de le remettre, là. Benoît Letalec, est-ce normal que les gens dans mon entourage ont l'impression que 50% de ma personnalité est disparue? Ben, ça dépend. Ça dépend là, du contexte. Dans le sens, si la personne, bon, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup les chars, les autos de sport rouge, puis le baseball, puis du jour au lendemain, la personne n'a plus les mêmes intérêts, qu'elle s'intéresse plus du tout à ça, qu'elle s'habille plus pareil, puis parce qu'elle s'est rendue compte qu'il y a certaines affaires là-dedans qui étaient. Ça se peut que la personne, les gens trouvent que 50%. Ça dépend, là. Les Vulcains sont logiques, ils ne jurent que par la logique. Physiquement, ils ont les oreilles. Oui, c'est ça, mais c'est parce qu'il n'y a pas juste la logique. Ça prend de l'intuition aussi. On n'est pas pour juste par le calcul parce que c'est unidimensionnel, ça. Donc, ça serait des êtres inférieurs. Il serait tout le temps en retard sur le mouvement des autres qui sont imprévisibles. Les gens créatifs sont imprévisibles. Donc, quand le contact donne une information vraie, il ne faut jamais être impressionné, exact. Parce que sinon, ça va se mettre à vous donner des informations fausses. J'ai remarqué que ce qui me venait comme information, si je me mettais à y croire, là, tout d'un coup, je reçois de la bullshit. C'est vraiment subtil. On dirait que c'est pour forger le discernement. En tout cas. Non, c'est le vaccin qui modifie l'ADN, donc l'être, c'est pour ça que leur personnalité change. Ah ouais, mais c'est pas de ça qu'il parle, monsieur Letalier. Pas nécessairement. Les gens qui vivent un processus d'intégration dans le supramental, puis un début de fusion, et la personnalité ne change pas à peu près, là. Tellement que il va toujours rester une base qui fait qu'on reconnaît la personne, sa personnalité de base, mais il peut y avoir des méchants changements. Très, très. En tout cas. Si tu veux, je peux le mettre dans le chat de ton courriel. Il est facile à retenir, mais tu avais dit que tu voulais pas trop le donner. C'est comme si. Oh oui, vous pouvez le mettre. C'est parce que moi, je m'en souviens jamais. Il faut que j'aille chercher mon livre. Je ne sais jamais le A commercial, il est placé où. Puis il faut que j'aille chercher mon petit livre que je note tout dedans. J'ai vraiment une mémoire au niveau de ces choses-là, j'ai une mémoire de merde. C'est tellement que j'ai. Comme vous voyez, ça, c'en est des modifications. Normalement, je devrais m'en souvenir par cœur, puis j'y arrive pas du tout. En tout cas, je vous remercie de prendre le temps pour répondre à toutes les interrogations de chacun. Ben, il n'y a rien là. L'important, là, c'est que. L'important, là, c'est ce que vous, vous percevez. Des fois, jamais croire non plus tout ce que je sors comme des réponses absolues. Bernard disait avec l'intuition, quand c'est ça, et voilà. C'est-à-dire que il y a des choses qu'on sait en dehors des voies de l'intellect puis de la déduction. Vous allez le savoir. Là, ça passe par d'autres structures que la structure intellectuelle. Parce qu'il y a, oh, le cerveau matériel est un support, mais il y a d'autres structures psychomatérielles subtiles. Donc, comment avez-vous éliminé la manipulation tabagique? Je ne sais pas. À un moment donné, ça m'a dit que j'allais arrêter de fumer, donc j'ai arrêté de fumer. Puis j'ai recommencé à fumer. Puis là, j'étais en maudit, puis je demandais, voyons, je n'étais pas supposé avoir arrêté. Ils ont dit que tu allais arrêter, mais on ne t'a pas dit quand. Mais je ne pourrais pas vous dire, ça s'est fait tout seul. Je vais être bien franc avec vous, là, ma plus grande motivation, là, c'est l'argent. Pour arrêter le tabac, là. J'ai atteint un niveau d'écœurement très, très fort qui est la volonté, qui a nourri une volonté, qui a engendré une colère, qui a pu se transmuter en volonté, au point où la souffrance de l'écœurement d'être un fumeur était une plus grande souffrance que le manque. C'est assez. C'est comme si une partie de nous-mêmes était morte ou disparue ou transmutée, oui. Donc. Léon XIV, sans l'aide de Dieu, on est très limité. Ça dépend ce que vous voulez dire par ça. Parce que Dieu, c'est un mot, c'est-à-dire une forme dans votre intellect, que derrière, il y a des choses qui sont indicibles. Dieu est absolu, donc. Juste le concept au niveau d'un ego humain, psychologique, est limité. Donc, l'aide, qu'est-ce qu'on entend par là? Je peux comprendre au niveau de langage mystique ce qui est dit au-delà de la forme, mais vous, vous êtes beaucoup dans le formel. On est très limité en intelligence, comment ça agisse? Ouais, c'est parce que c'est comme la source de. Il y a une source de l'intelligence universelle. Mais vous, vous accepterez pas qu'on ait pu l'appeler, on n'est pas obligé de mettre une forme dessus pour être en contact avec. C'est pour cela qu'il faut prier pour ce que vous voyez là, pour prier pour se connecter à cette source divine. Vous voyez là, ce que je l'ai su avant que vous le disiez. Alors, récitez votre chapelet quotidiennement. Monsieur Léon, là, si vous arrêtez pas, je vais finir par vous couper. Parce qu'en plus, si au moins c'est une suggestion qui respecte. Mais non, au contraire, vous allez écœurer le monde. Vous allez écœurer le monde, là. Je vous l'ai expliqué le dernier coup, mais on dirait, vous ne voyez pas ce que. Le chapelet, là, le Christ, il ne parle pas de chapelet, là. Où dans l'Évangile, il est question du chapelet? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autre façon? Il a enseigné une prière, le Notre Père. D'ailleurs, qu'on ne nous a jamais enseigné au complet selon la vraie forme, possiblement. Mais l'affaire, le chapelet est là. C'est pas, êtes-vous capable d'accepter que c'est pas nécessaire pour tout le monde? Êtes-vous capable d'avoir ce respect-là, cet amour-là même, je dirais? En êtes-vous capable ou est-ce que vous êtes trop limité parce que justement, vous n'êtes pas suffisamment en contact avec ce que vous, vous appelez Dieu au point d'avoir assez d'intelligence et de sagesse? Je crois d'avoir une mémoire de merde symptomatique, oui. Ben oui. La question ou notion de santé n'est pas souvent abordée, voire négligée dans les conférences du supramental, et pourtant nous savons très bien qu'une science appliquée peut induire une santé favorable. Oui, c'est vrai. Mais c'est parce que au niveau de ce qui est appliqué, il y a possibilité, s'il y a un début de fusion, que il va y avoir une collaboration entre la déduction psychologique intellectuelle, entre l'intuition prépersonnel, puis tout ça va faire que la personne va agir d'une façon ajustée pour que se conserver une santé favorable. Être multidimensionnel. Oui, 14 piastres le paquet, c'est une bonne motivation. Oui, en effet. Le mot Dieu est un beau problème. Ben, c'est le cas de toute forme qui charrie beaucoup d'émotivité et de mémoire. Il y a l'astral là-dedans. Et on a tellement tué au nom de Dieu, comment expliquer ça? C'est fort, l'astral, c'est une grande. Ouais. Il y a des puissances et des dominations en des lieux célestes dont il faut se préserver, mais ça peut passer par le mot Dieu. C'est pour ça qu'il y a des schizophrènes, ils peuvent entendre une voix qui leur dit que c'est le Christ qui leur parle, que sa famille, c'est des démons, qu'il faut qu'il les tue, puis la personne qui est en psychose va assassiner sa famille. Comment expliquer que cette forme-là peut être utilisée par des entités malfaisantes? C'est pas absolu, ces formes-là. Ce qu'il y a derrière peut l'être, mais à un moment donné, c'est parce qu'on se fait manipuler par la forme. C'est pour ça que. En tout cas. Que pensez-vous de cette définition de Dieu? Définition d'une image d'un État unifié. Je ne sais pas encore. Non. Ça me fait trop penser à l'un de Plotin, Plotin d'Alexandrie. Puis à mes yeux, c'est pas ça. Léon cherche juste la bisbille. Bouf, il va finir par trouver que je vais juste le. Non, je pense pas. Ben non, je sens au niveau de la vibration, je penserai pas. C'est parce que j'en ai connu des gens, puis je sais que je me le sens pas mal intentionné. Monsieur Lyon va prendre l'eau bénite du robinet. Il y aurait, à un moment donné, il va falloir être capable de plus avoir besoin du support qui est l'eau. Puis le subtil qui fait que l'eau est bénite ou pas, ça, on va l'avoir en plus grosse quantité. Mais là, c'est parce qu'il faut être capable de l'intégrer, ça. Monsieur Lyon, l'insulte malgré lui, oui. Je pense. Si c'est trop difficile de réciter un chapelet au complet, commencez par une dizaine de chapelets. Ensuite, Dieu, ce n'est pas un concept qui s'invente, cela se découvre comme la gravité. Ben oui, parce que ça passe à travers la subjectivité des égos psychologiques, intellectuels, humains. Sinon, pourquoi y a-t-il des conflits au niveau des théologiens puis des différentes doctrines? Des pensées cristallisées. Ouais. Ben, c'est ça une forme hein, au niveau intellectuel. Apprécies-tu les philosophes antiques, présocratiques, platoniciens? Bon, ben, j'ai plus d'intérêt pour la philosophie, mais j'en ai eu. Ben, j'aimais beaucoup les stoïciens. Au niveau des philosophies classiques, là. Ben, franchement, là, c'est vraiment les stoïciens, je dois être quelqu'un d'un petit peu austère, peut-être. Aussi de peut-être un petit peu dur à certains niveaux. Donc, c'est tout que. Mais bon, on n'est pas obligé de parler de ça. C'est pas très intéressant. Là. Mais oui, j'avais une préférence, je dirais plus une sympathie pour les stoïciens. Puis, au fond, c'est un peu comme certaines figures là, du stoïcisme qui sont. Mais c'est comme le risque, là, c'est des mémoires, puis. Mais j'ai jamais. C'est étrange, hein, mais c'est des philosophes beaucoup plus modernes là, qui m'ont. Étant jeune, qui m'ont plus influencé comme Ten, ceux qui connaissent Ten. Donc, semblable au taoïsme, oui. Ben oui, parce que c'est pas donné d'importance. Ben, c'est subjectif de se rendre compte que le réel existe en soi en dehors de la subjectivité de la perception. Puis que c'est une loi, c'est des lois implacables. Il y a quelque chose d'implacable dans la notion de la réalité en elle-même, le réel en lui-même. Ça se fout de ce qu'on veut, ça se fout de ce qu'on pense. Puis le stoïcisme est un bouclier qui donne des forces subtiles en soi. Oui. Ben, ceux qui connaissent le manuel d'Épictète, c'est loin d'être stupide, là. Mais bon. Je me souviens même plus. J'ai perdu une certaine mémoire de ces choses-là. Je m'en souviens plus. Puis peut-être que parce que ça s'est en partie intégré, je ne sais pas. Dans vos analyses, à votre avis, quelle est la suite du plan des momies qui nous dirigent? Oh. Ben, ça a tout teinté la même chose. C'est de la soumission. Il faut standardiser les. Il ne faut pas oublier qu'à leur esprit, c'est des physiocrates, donc nous sommes de la ressource. Donc, quand un éleveur qui veut industrialiser son élevage va essayer de standardiser ses porcs. Et c'est des forces anti-vie et anti-homme qui les habitent. D'ailleurs, au niveau, là, comme M. Léon, là, eux, là, ça n'a pas marché leur affaire. Je parle au niveau technique, là, dans le sens le catholicisme là, est complètement infiltré. Par un orgueil spirituel, entre autres, là, ils se sont fait complètement détruire de l'intérieur, complètement infiltrés, se rendu n'importe quoi. Ça a pourri par l'intérieur. Puis ils ont pas su avec le rempart qui. Ils ont été trop mous. Au niveau de ces forces-là qui prenaient de la force, c'est ça, comme au Québec, ils se sont laissés enlever l'enseignement trop facilement. Puis là, aujourd'hui, comme on l'a vu, là, il y a trois entraîneurs de sport qui se sont fait arrêter. Maintenant, les enfants, au lieu d'être abusés par des prêtres puis par des frères, ils se sont abusés par des entraîneurs puis des professeurs puis des travailleurs sociaux. Mais c'est les mêmes maudites forces. L'énergie s'est passée d'une structure à une autre. Ils n'ont pas rempli le mandat que par orgueil spirituel, ils prétendaient avoir. Donc, vous dites-lui votre chapelet. Mais le mur s'en vient. C'est pas le chapelet qui va vous. En tout cas. Donc, je me demande qu'est-ce que Bernard dirait à propos de Sandra Vino. Vaut mieux pas entrer dans ce genre de choses-là. D'accord? J'ai oublié la connaissance, je me sers que de ce que je sens, juste je cherche pas, et voilà. Malgré que c'est intéressant d'avoir des connaissances quand même, mais l'affaire, c'est que vous n'aurez pas à vous les remémorer, ça va être archivé quelque part, puis ça apparaît d'un coup au moment où vous en avez besoin. Là, la connaissance sert réellement. Je suis très impatient et je m'emporte par indignation. Avec tout ce mouvement d'inconscience induit par ces souillures existentielles d'élite. Excusez-moi la lourdeur de mes propos. Ben, c'est certain que moi aussi, des fois, je fais juste voir ça à la télévision, là. Surtout, là, les journalistes, là, puis je gueule. C'est quoi l'Opus Dei? L'Opus Dei, c'est un ordre à l'intérieur de l'Église catholique qui est surtout versé dans l'immobilier, qui a beaucoup, beaucoup d'argent lié à l'immobilier. puis qui spéculent beaucoup sur l'immobilier. Puis à part ça, il y a une doctrine, là, les numéreurs, les surnuméreurs. Puis... Mais moi, ce que j'ai connu d'eux, le plus DI, là, ils sont surtout, c'est des gens, très, les dirigeants, là, sont très portés sur l'immobilier. Bonifier son langage et sa culture pour apporter une parole plus juste, je trouve ça sain, même si cela insulte à des... résulte à des connaissances. Ça peut servir et devenir créatif. Ben oui. Ben, à un moment donné, je demandais intérieurement, j'ai dit, pourquoi j'ai tout lu, j'ai autant lu, pourquoi avant j'avais une soif de lire, je lisais tout le temps, là. Puis qu'à un moment donné, c'est parti, puis à un moment donné, ça m'a répondu, il fallait que tu te forges un vocabulaire. Fallait que tu te forges, c'est un peu comme une boîte à outils de forme. Pas au sens d'être cristallisé par des formes, mais d'être capable de jongler avec, au moins de savoir de quoi on nous parle. Mais comme l'Opus Dei, moi, à mes yeux, l'affaire des numéraires, surnuméraires, on a des gens, c'est une forme de servitude, on a des gens qui travaillent dans un ordre religieux qui leur offre une certaine sécurité. En échange d'une partie de leur salaire qui est souvent réinvesti dans de l'immobilier, entre autres. C'est un asservissement. L'être humain, au niveau de certaines choses liées à des peurs dans son enfance, veut être protégé, il veut se rassurer, il veut qu'on lui dise quoi faire. C'est pour ça qu'il fait son chapelet puis qu'il donne son argent à des patentes. Bonifier son. Ah! Et... Donc, il n'y a pas eu. Il n'y a rien de nouveau. Mais il reste que ces mécanismes-là, ça fait partie de la subjectivité des mécaniques de l'âme humaine. C'est une partie de son animalité, là, quelque part. C'est très la peur puérile de l'être humain d'être seul, sans Dieu. Ouais, mais c'est de quoi on parle, là? Parce que c'est là qu'il est en danger. Ça crée un espace où qui peut être rempli par toutes sortes de cochonneries. Qui vont se faire passer pour moi. Je dirais que c'est beau parler du mental inférieur, mais tout comme un outil, aussi bien en faire bon usage et mettre ça à profit pour soi et les autres. Ben oui, comme tous les aspects, la multidimensionnalité, il faut que ce soit harmonieux. Donc, le mental inférieur, moi, je ne l'ai jamais rejeté. Dans le sens, c'est juste que d'intégrer que c'est un mental inférieur. Il y a des choses qu'on sait au fond de nous-mêmes que ce serait impossible au niveau d'une déduction intellectuelle de savoir ça. C'est instantané. Parce que le mental inférieur, c'est de la connaissance mécanique, mémorielle. C'est lié à l'âme. Le mental supérieur, c'est un savoir instantané, lié à l'esprit, le principe de l'esprit. Ce qui lie l'être humain au cosmique, si vous voulez. Donc, le mental inférieur, c'est un peu le microcosme. Le mental supérieur, un peu, ça le lie au macrocosme. C'est là que le cosmique, en tout cas, les circuits universels, c'est là que l'être humain peut vraiment dire il est enfant de Dieu, dans le sens qu'il fait partie de tout ça, il se reconnecte avec. Mais là, c'est obligé de passer par. J'ai rien là, contre le chapelet, puis à genoux, assis, debout. Mais être obligé de passer par ça, c'est correct pour quelques heures. Mais si ces êtres-là veulent l'imposer à tout le monde, la totalité, là, il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a une limitation, il y a quelque chose qui n'est pas vu. Donc, bon. Ah, il n'y a pas d'autre chose. Je pense que je vais me refaire un café. Ça va faire du bruit parce que là, je n'ai pas envie de faire du percolateur. Je vais prendre la machine Keurig. Qu'est-ce que tu as à dire pour ceux qui sont en quête de fusion? C'est pas vous autres qui décidez. Mais le fait que vous êtes en quête d'eux et que vous pensez à ça, il y a déjà quelque chose d'intéressant, pareil. Je te quitte, merci de ton temps. Ah ben de rien. Moi aussi, là, dans pas long, je vais quitter. Ça fait quand même 1 h 30. Mettons à 1 h 45 de temps. On dit que c'est long. J'haïs tellement ces machines-là. OK. Qu'à dire en un mot du succès tragique de l'homme qui pense qu'il pense alors qu'il n'est que le ventriloque de sa mémoire? Ben, tragique. L'affaire, c'est que le succès technique, l'affaire, c'est qu'il y a quelque chose qui est réel dans l'idée, vous savez, ceux qui disaient « faut gagner son ciel ». C'est-à-dire que la vie, dans le plan matériel, est liée à l'intégration à un niveau énergétique par rapport à une vie plus subtile ensuite, possiblement, sur les plans. Donc, la personne ici qui pense qu'elle pense, puis que qui pense que c'est son succès, puis qu'elle est très fière de ça, puis qu'il y a de l'orgueil par rapport à ça, ça se peut que après dans l'astral, elle se rende compte que c'était de la merde, là, que ça vaut pas grand-chose, mais en tout cas. Il y a quelque temps, tu as parlé de maman qui viendrait bientôt botter le cul de la gardienne. On peut donc, j'ai parlé de parents. C'était pas de la gardienne, on peut donc assimiler cette maman à Dieu, même si ça fait programme du sauveur. Ben oui. L'affaire, c'est que bientôt, ça, à l'échelle, ça peut être 100 ans, ça peut être 200 ans, bientôt. Puis aussi, moi, je ne suis pas sûr de le voir, ça. Donc, de ne pas mettre d'espoir non plus trop là-dessus. Personnellement, je n'en parle pas comme un espoir que j'ai, mais ça reste, à mes yeux, quand même un peu une certitude. L'être humain est un être de curiosité. Mais à un moment donné, faut-il que cela cesse et à quoi ça nous mène de cesser d'être curieux? Est-ce que c'est de la curiosité subjective? C'est ça l'affaire. Ou si c'est pas une vibration? L'affaire, c'est que la curiosité, quelque part, c'est lié à la polarité entre le doute puis c'est qu'il y a un désir de remplir un vide avec une information. Donc, il y a quelque chose d'intellectué dans la curiosité dans ce sens-là, mais la curiosité dans le sens d'une vibration qu'on suit, ça, j'ai pas de problème avec ça. L'espoir est une vertu d'esclave, oui, je suis d'accord. C'est que au niveau psychologique polarisé, les gens qui vivent d'espoir vont souvent connaître le désespoir. Ça veut dire que c'est entre les deux. De la même façon que les gens qui ont une croyance, c'est lié à, bon, c'est lié à la polarité avec le doute. C'est pour ça que vous allez avoir des gens souvent qui vont dire « j'ai la foi, mais j'ai des périodes de doute ». C'est pareil avec les gens qui sont dans l'espoir. Ils vont avoir des périodes de désespoir. On peut rapprocher ça de ce que je parlais plus tôt, là, les maniaco-dépressifs, là, si vous voulez, les bipolaires qui ont des phases qui vont d'un pôle à l'autre. Donc, l'espoir, c'est une vertu d'esclave, oui, parce que c'est quelque chose qui se manifeste pour survivre dans cette condition-là. Mais l'esprit essaie de qu'il y ait une intégration du réel derrière, mais comme ça se psychologise, il va avoir des périodes de désespoir. Ça va prendre cette forme-là. La souffrance, c'est de l'information. La souffrance, c'est de l'information, toujours. L'affaire, c'est quelle forme ça prend. Ça veut être intégré, mais le moi psychologique, psycho-affectif, polarisé, intellectué, humain, il se bloque lui-même, il se retarde lui-même, puis il s'empêche d'intégrer l'information, souvent. Il va retourner dans l'espoir, parce qu'il ne veut pas intégrer sa condition d'esclave. Puis pour l'endurer, ça prend de l'espoir. Fait qu'il passe espoir, désespoir. Ça doit être insupportable. Ça crée un stress à long terme, puis ça fait vieillir ça. Donc, c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui ont mon âge, puis ils paraissent plus vieux pas mal. Fait que je vois l'espoir comme ne pas vouloir voir la réalité en face et de trouver des solutions, c'est ça. Ce que j'expliquais, c'est pour endurer la condition de l'ego qui est passif face à l'expérimental. Il n'est pas créatif. Donc, il faut qu'il endure sa condition. Si actuellement tout est une guerre de l'information, tant sur le plan occulte que le plan matériel de la propagande médiatique, vaut-il mieux s'attaquer à la source du problème? Ben, moi, cette guerre-là, je ne l'amène pas vraiment. Puis je ne la subis pas tant que ça non plus, mais je la décris pareil. Puis, mais l'affaire, c'est au niveau stratégique, est-ce qu'on veut vraiment être sur ce terrain-là? Comment s'attaquer à la source du problème? Tu sais, de la propagande médiatique, c'est parce que si vous attaquez les médias, ils vont se montrer au public comme des victimes. La seule solution, c'est de la lumière. C'est-à-dire que si ça devient évident ce qu'il dit par un média, que ce qu'il dit, c'est faux, ils prennent peur, puis ils arrêtent. Ils vont sur d'autres choses, puis d'autres choses, puis d'autres choses. Donc, l'affaire, c'est pas le voir comme une attaque. De pas le voir comme... Si on se met dans la polarité défense-attaque, c'est plus là... C'est quoi l'ennemi d'une propagande médiatique? C'est la lumière. Sur tous les plans. Dans ma cabane, absolument rien, absolument tout. Je vous souhaite une bonne journée. Merci pour ce temps et la vibration. De rien. Osez changer. Les médias deviennent à eux-mêmes leur propre source de compromission. Ouais. Le problème, c'est lié à de la stratégie liée à un temps. Ah, j'ai déjà dépassé le temps que j'avais dû. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Mettons 2 ans. C'est que ça ne leur dérange pas de mentir en sachant qu'ils vont être démentis en autant que c'est le temps où ça leur est. C'est utile à ceux qui les commanditent. Après, ils se rétracteront souvent. Les médias ou des journalistes vont mentir sciemment en sachant qu'ils peuvent se rétracter plus tard. Mais c'est juste le temps où c'est utile en eux. Là, c'est diffusé. C'est pour ça qu'il faut tout le temps faire que la lumière soit faite rapidement. Mais là, c'est là, il faut avoir des gens qui. Ça prendrait des. Pour faire la lumière, leur projeter la lumière, il faut être horizontal. Donc, ça prend des médias qui ont autant de visibilité qu'eux, puis qui ne sont pas corrompus. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas subventionnés. Les médias, là, les journalistes, par exemple, c'est censé être un quatrième pouvoir. Donc, tu ne peux pas être payé par le pouvoir. Il y a de quoi qui ne fonctionne pas, là. Le Québec, il y a un conflit d'intérêts. Puis c'est l'intérêt de la masse. C'est ça qui est choquant. Le Québec est le phare de l'humanité. C'est une très bonne nouvelle lumineuse. Ah, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Mais personnellement, des fois, je vis du doute. Le phare de l'humanité. Il semblerait que les Canadiens français qui habitent au Québec, je vais le dire comme ça, pour des raisons de mémoire puis de structure psychologique, soient plus aptes à intégrer certaines choses. Quoi qu'il y a des gens en Europe qui comprennent très bien ce qu'est le supramental. D'ailleurs, je dois répondre à un correspondant qui m'a écrit hier. Mais je ne sais pas pourquoi. On dirait que les Canadiens français ont des capacités psychiques très différentes. Ce serait lié à leur capacité. Ils sont très émotifs, mais une fois que certaines structures sont brisées, cette énergie psychique-là est disponible pour autre chose. Et c'est là que ça devient... Il y a des talents. Je ne vois pas comment l'expliquer autrement. D'autres appelleraient ça des dons. Je spécule, mais j'ai l'impression actuellement que la francophonie subit d'autant plus la pression des mesures sanitaires. Qu'est-ce que tu en penses? J'en avais parlé de ce que j'en pensais, même avant que ça soit appliqué. Je disais, vous allez voir, les pays francophones vont plus subir que les autres. C'est une guerre qui est liée au passé. Vous savez, anciennement, les rois d'Angleterre et d'Écosse parlaient français et parfois ne parlaient même pas anglais. Prenez... Richard Cœur de Lyon, il n'est presque jamais été en Angleterre, puis il parlait français. Dans le sens que il y a une espèce de haine, de jalousie qui est très ancienne par rapport à des barbares qui viennent du Nord. Une sorte de colère, une sorte de colère très ancienne par rapport à des cousins qui ont eu alliance avec des Latins. Puis c'est lié à des mémoires très vieilles, en tout cas. Oui, l'œuvre de la perfide Albion. Ah. Pas tout à fait ce que vous voulez dire par là, mais c'est de comprendre que même quand les peuples disparaissent, leur mémoire reste. Puis que ça influence. Il y a un phénomène de barbares qui viennent du nord, puis ça c'est partout sur la planète. Prenez même en Chine, les Manchus venaient du nord. Donc, il y a des mémoires. C'est difficile, mais je le vois pas autrement. Il y a des rapports de force là-dedans liés à du karma. C'est lié à de la loi karmique collective. Ça va aussi avec la mondialisation et avec le désir mondialiste de vouloir uniformiser l'humanité avec une langue, et voilà. Puis aussi, au niveau intellectuel, le français, à mes yeux, est différent au niveau de la connexion synaptique. Et les peuples latins sont différents. Je dirais juste ça. Le fait d'aimer une autre personne peut-il être une voie pour intégrer et dégotiser ou mettre titre que la souffrance? Ben, ça fait partie de l'expérimental. Donc, voyez comme il y a un lien entre l'amour et la souffrance dans notre monde polarisé, où l'amour polaire planétaire est souvent bascule vers la haine à l'amour, puis bon, les gens qui s'aiment se déchirent. Moi, je vois un lien avec la souffrance, en tout cas. C'est le désir de réification de l'humain standardisé à l'uniforme. Moi, ben, il y a des forces de synthétisation. Moi, je vais vous le dire franchement, là, en arrière de leurs histoires d'intelligence artificielle, puis de la cybernétique, au sens où elle commence à être appliquée, puis quand même Norbert Wiener, le père de la cybernétique, avait fait des avertissements. Je vais vous le dire, ce qui se cache derrière tout ça, c'est une forme de pensée kabbalistique. Capacité de tout numériser, puis de c'est pas pour rien là, que c'est numérique, l'informatique, que ça finit par donner numérique. Écoutez, si vous avez la chance, là, John meurt à la fin ou Johnny meurt à la fin de Don Coscarelli. Si vous écoutez ce film-là, là, regardez les allusions qu'il y a de fait à ça. Il y a un univers parallèle qui entre en conflit avec le nôtre, puis dans cet univers parallèle-là, la première personne qui a fait un ordinateur, c'est quelqu'un qui a inventé une discipline qui s'appelle la bestiologie en essayant d'accoupler un taureau avec un percheron. Puis ça aboutit à des ordinateurs faits avec des têtes de cochon. Puis c'est complètement fou. Puis à la fin, ils sont obligés de se battre contre une entité de ce monde parallèle-là, qui est une sorte de grosse intelligence artificielle pseudo-biologique qui s'appelle Korok. Puis ce Korok-là est quelque part aussi une allégorie de Hollywood, le système qu'il y a derrière Hollywood, puis une certaine façon de penser. Une certaine. En tout cas, je vous dirais juste ça comme ça. Je me souviens plus si c'est Kemp ou Bernard qui disait que le Québec serait dirigé par le grand monarque. Ça te dit quelque chose, non? Vraiment, j'ai aucun souvenir de ça. Puis les affaires de grand monarque, même, je vais être franc, j'ai de la misère avec ça. En tout cas, Sylvie Jolicoeur, le fait qu'on entend souvent dire que nous n'avons pas de colonne, les Québécois, nous rend-il plus ouverts sans être des pas de colonne? Plus malléable, en tout cas. Les Québécois, c'est des gens gentils. C'est des gens gentils. Même s'ils sont prenés, là, ce qui se passe à Québec, là, les médias vont dire, ah, oh, c'est des racistes puis des misogynes. Puis les gens, au lieu d'être insultés puis se défendre, ils vont se sentir coupables. Je parle d'une certaine partie. Il y a quelque chose qui est dangereux là-dedans. Donc, je redoute beaucoup le portefeuille numérique ainsi que la numérisation de l'argent venant avec l'abolition de l'argent liquide. Oui, moi aussi. C'est pour ça que j'ai un intérêt pour les métaux depuis plusieurs années. Le grand monarque, c'est PDM, je penserais pas. Ah, ok, vous voulez dire c'est lui qui a parlé de ça, là. Oui, ça c'est bien possible, mais dans le temps, c'est certain que vous avez fait référence à quelque chose qui était avec Guylaine. Donc, moi j'en prends puis j'en laisse sur cette période-là. Comment on va échapper au camp de concentration COVID? Ben ça, on le saura quand ça arrivera, comment? C'est ça, je le sais pas du tout, là. Vous savez, là, franchement, on verra rendu là. Peut-être si ça se met en fonction, il peut y avoir des imprévus aussi. Gentil, soumis. Oui, ben, le Québécois, il veut se valoriser, il veut être aimé. Souvent, c'est lié à son enfance, parce que c'est des Latins, des Canadiens français, puis ils ont besoin de se sentir aimés de leurs parents. Puis, celui qui se soumet souvent veut être aimé. Il veut être apprécié. Il veut se valoriser beaucoup. Les Québécois, ils ont un problème d'estime de soi souvent. Aussi, ils vont souvent accorder beaucoup, beaucoup d'importance au regard des autres. C'est pour ça que ça a été un processus, moi, tout au long de ma vie, d'apprendre à m'en câlisser de ce que les gens pensent. D'apprendre à c'est pas grave qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas. À être jusqu'à un certain point sans concession au niveau de l'image que j'ai de moi-même en sachant que c'est subjectif. Donc, pas être narcissique, mais être objectif. C'est pas si important. Ça a juste une importance technique ce que les autres pensent. Vous savez, être gentil puis soumis puis aimer, si ça veut dire finir des esclaves qui possèdent rien mais qui sont heureux parce qu'on leur donne l'ordre de l'être puis qui n'osent pas dire qu'ils sont malheureux parce qu'ils veulent continuer à être aimés. Puis... Non. Non, ça ne marchera pas, là. Moi, en tout cas, ça ne marchera pas avec moi. Hey, ça dit qu'il y a juste une personne qui m'écoute. C'est vous, Sylvie, vous êtes la seule qui reste. J'ai dû dire de quoi être déplaisant. Donc, hey, y a-tu quelqu'un d'autre que Sylvie qui peut me faire signe que je vois que c'est. OK, 58. Voyons que c'est ça. Ça dit qu'il y avait un auditeur. Eh bien. Oui, j'ai vérifié. Ah bon, c'est pas impossible, mais c'est sûr, c'est dans le temps de Glenn, ça, parce que ça vient de Glenn, ça. Mais Bernard était bien sensible à la vibration des autres, puis il s'ajustait aux autres, c'est ça que ça donne. C'est drôle quand vous parlez de 5 ans. Dans mon rêve à l'automne, des amis y étaient enfermés. Ah, oh, je suis sûr que si je me ramasse dans un camp, je vois rien que des amis. possiblement que, ouais. Il y a ben, je suis pas mal sûr d'être bien accueilli puis d'avoir rien que des amis. Là, en tout cas, je vais devoir laisser bientôt, là, ça va faire 2 heures. Est-il préférable la fuite ou la résistance? Ça dépend. Si on suit la vibration, il y en a que ça va être la fuite, puis il y en a que ça va être la résistance. Il peut avoir les deux aussi. Nous sommes 58. Moi, je viens de voir ça, même 60. Oui, 58 personnes. Non, je suis là, OK. Je vous écoute. Bon, je suis comme toi, j'ai développé la capacité de n'être pas aimé ou apprécié de tous. C'est vraiment pas si grave que ça. Ça peut même être parfois utile, c'est ça. Vous savez, là, ça fait partie de l'individuation, le processus d'individuation. Quelqu'un qui n'a pas d'individualité, il fait pitié, là. Vous savez, une chose j'ai remarqué quand j'étais enfant, j'étais pas dans les plus populaires à l'école, mais j'étais ami avec les gens qui étaient dans les plus populaires. Puis, il reste, je regarde aujourd'hui, si vous regardez la suite, ces gens-là souvent ont des vies banales aujourd'hui. Je me souviens d'un là, qui était rejeté à l'école, il est millionnaire aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a intégré la souffrance expérimentale de son rejet, puis il s'est individué. Puis aujourd'hui, il fait travailler, puis il donne des ordres à d'autres qui riaient de lui à l'école. C'est correct. J'élève mon verre à tous ceux et celles qui ont survécu à l'hécatombe de l'écoulement nasal. Moi, toute une hécatombe. Hein. Hey, c'est n'importe quoi, sans blague. Là. Je suis de plus en plus antisocial. Oh, ben là, par contre, faut pas devenir antisocial non plus. Parce que ça veut dire que vous êtes polarisé. Là. Parce que, comme je suis pas très, je suis pas très sociable, mais je suis très social. Ça peut avoir l'air étrange. C'est-à-dire que avoir ça prend du savoir-vivre, ça prend une capacité à évoluer dans le monde, en société, si vous voulez. Une capacité de respecter les conventions, mais c'est une question de discernement, à mes yeux. Donc, je vais vous dire bonjour à tous. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Donc, moi, je vais arrêter là parce que ça fait un bout de temps, puis il faudrait que je bouge un peu plus que juste me lever pour aller chialer après le réservoir d'eau de la machine. Merci pour cela, d'une grande intégrité, sincérité, d'une grande gentillesse. Bon, ben merci à vous. Plus force à toi. Bon, ben, bonne journée à tout le monde. Puis, ainsi ça. Donc, bonne journée. Puis, je sais pas quand, des fois, je vois, là, il y a des commentaires qui disent c'est quand le prochain live ou c'est quand je fais un live. Je le sais jamais. J'en ai aucune idée. Donc, comme aujourd'hui, j'ai failli pas en faire. Bon, ben, bonjour à tous. Bonjour, Christelle, Sylvie. Bon, bonne soirée.